Ben! Hey, fait que ton pain. Ouais, c'est ça. Ben, non. Ouais, oui. Tu peux parler de pain. C'est un pain de canne. Ouais, gros fraîchier. Je suis arrivé, je suis en train de faire mon pain. Là, Stéphane est arrivé, j'ai comme, check ma pâte. Non, mais c'est ça. Après ça, il m'a montré son pain. Ouais, c'est ça, exact. C'est le nom de l'épisode, ça, check ma pâte. Check ma pâte. C'est le fun, parce que c'est la première fois, je pense, dans les 20 premières secondes, on a le titre. Ouais, exact. Une première. Ben ouais, exact. Fait que, tu veux qu'on fasse de plus que ça? Ben c'est tout, normalement, on finit là-dessus. Bon, ben, tune de fin. Ok. On a-tu une... C'est ça. Maintenant, c'est tout ce que d'habitude, la cochonnerie qui est après l'épisode. Là, c'est ça l'épisode, c'est le après-générique. Ouais, c'est ça, exact. C'est le plus court épisode, mais il y a tellement du contenu bonus. Ben, quasiment 4 heures de merde. Mais quasiment falloir que je fasse une improvisation de personne de théâtre. Fallait. Non. Veux-tu un thème? Ok, vas-y. Courgette. Je suis allé l'autre jour au marché et... En regardant l'allée des fruits, je touchais un peu à tout. Il y avait la laitue qui était bien... Attends. J'ai pas de mots. La laitue qui était bien... Croquante? Croquante, c'est que j'ai croqué dedans, mais... Craquante? Ah! Cristalline? Il y avait la laitue qui était bien faite. Ouais, arrête. Là. Non, je fais pas ça, là. Ça marche pas. Laisse-moi, c'était pourtant. Je le sens pas. Mais de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, t'as sûrement plein de notes cette semaine. Ben, qu'est-ce que toi? T'es comme toutes tes notes, là. Toutes. Combien au total? 1000. Ah, ben, tabarouette. 1000. Commence donc par la sixième. Ok, la sixième. Aujourd'hui, première fois que ça m'arrive, un autobus qui dit de débarquer parce qu'il marche plus. mais il y avait un problème, puis il était comme, je peux rien faire, sortez. Oh shit. Ok, on est sorti. C'est au milieu de part ou c'était un arrêt? Non, c'était genre. C'était comme 10 mètres de l'arrêt. Okay. Je pense qu'en fait, il aurait pu continuer un peu, mais il s'est arrêté pour laisser passer l'autre autobus qui s'en venait. Okay. J'ai attendu 30 secondes. Il y avait l'autre juste en arrière. Fait que c'est pas une grosse histoire, mais c'est une histoire. Ça fumait-tu? Ça faisait-tu quelque chose? À la fois des tonneaux? Elle a explosé. Ok. Je suis mort. Ok, bon, c'est ça. Parle d'outre-tombe. Je te trouvais un peu transparent aussi. Ça. Je te l'écris, je vois ta porte de garde-robe. Ouh, Stéphane! Fait que là, tu me hantes ou tu hantes tous les écouteurs du podcast? J'hante toutes les sonos... Sonos consommateurs? Les sonos consommateurs? Ah, oh, ben non! Ben, ouais. C'est magique! Ben oui, c'est ou ça. Ou les sonophiles? Ça fait trop péteux. Sono consommateur. On dirait que c'est un peu péjoratif. Ok, mais sono enthousiaste. Ouais, non. Mais on n'est pas tous comme ça dans le monde. T'es un peu enthousiaste. Ben, pas sono. Mettons, par rapport à sono portable, pas par rapport au son qui existe. Ouais, donc, ça serait porno. Porno sortable. Porno sortable, vous l'avez entendu. C'est une nouvelle catégorie, ça, la porno sortable. C'est pas safe for work, mais tu peux sortir de chez vous. Ben moi, j'ai déjà vu cette catégorie-là, porno sortable, sur Pornhub. Fait que, écoute, prends une table bien solide. Hein, c'est quoi ta catégorie préférée? Tu sais, des questions trop précises. Trop précises, trop personnelles. J'ai la réponse correcte. On va attendre dans 45 minutes. Ouais. Je vais être plus réchauffé. Ah, c'est ça. Parce que, étrangement, parce que tu sais, la description du podcast, ça dit, je me souviens plus, mais deux daltoniens, blablabla, avec un montage hyperactif, puis augmenté par l'alcool. Ouais. Puis dans le fond, ça fait genre 30 épisodes qu'on boit plus parce qu'on le fait le matin. Ouais. Puis aussi parce que c'était atroce, au début. C'est là que je sortais mes monologues de Joseph Campbell, puis n'importe quoi, il était trop long. Non, c'était les meilleurs moments. Je pense que le monde s'ennuie de ça. Mais clairement, il n'y a personne qui... Ben non, c'est pas vrai. J'allais dire, il n'y a personne qui en parle, mais probablement que le monde qui n'a pas aimé ça, ils n'ont pas continué. Ben c'est ça, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont rien fait, là. Mais ouais, ils ont fait comme au Chris, sinon. En plus, avec montage hyperactif dans la description, ben c'est plus vrai, parce que non, là, à cette heure, depuis le dernier épisode, si vous avez manqué ça, je monte plus en autiste. Ouais. Décision de prendre un step back puis de laisser ça naturel. Fait que date, c'est ça, effectivement, il n'y a pas personne qui a fait comme « Oh, moi, j'aimais mieux quand c'était plus vite! Ouais. » Comme, ok, ben, je passe, tu sais, dans ma tête, je le traitais un peu comme des sketchs, là, tu sais, comme s'il ouais. fallait que je rajuste le timing, que ce soit le plus drôle possible. Ouais. Mais en même temps, là, ça... on est tellement drôle. Ben, c'est ça. Chris, j'ai plus besoin de faire ça, là, tu sais, quand t'as c'est l'expérience, hein. Ben, c'est ça, tu sais, ouais. Je pense que là, 92, c'est là qu'on, je pense que la catégorie humour, là, dans la section de RZO, ouais, c'est, enfin. C'est aujourd'hui qu'on a le droit d'être là, mais tu sais, avec ce montage-là, au moins, en plus, ça donne le buffer de temps de plus de si jamais il y a de quoi que tu veux peaufiner. Ouais, exact. Au moins, ça fait pas genre... Ça, c'est pas par-dessus le temps déjà comme ridicule que tu non, non, c'est ça, exact. C'est, ça m'empêchera pas, si on fait des impôts de merde, de faire comme ça, je vais le polir un peu ouais, plus. Ouais, c'est ça. Ce qu'on dit. Tu sais, là, et là, je sais qu'on sonne incroyable en impro, là. Mais c'est tout du montage. Ouais. Aujourd'hui, on essaie de prouver ça. Okay. Faisons plein d'impro. Ah, ok. Ok, maintenant, on okay, est dans un Burger King. On est quoi? Burger King. OK. Va prendre un Whopper. Oui, voulez-vous ça en trio? Hey, dites-vous Whopper ou un Whopper? Ici, c'est Whopper. Whopper? Whopper, ouais. Whopper? Whopper. Ici, c'est Whopper. Il y a un accent sur... Ouais, c'est genre, hey, Whopper! Ouais. OK. Ben, check sur l'affiche, il y a un accent circonflexe sur le haut. Même Whopper. Pas vrai. Ben, c'est check, une frite. Check. Oh, touche. Ben, hey, je pense que c'est une frite. Ben, calice. Hey, Guy! T'avais pas enlevé la frite de l'affiche du Whopper? Non, mais t'es un peu haute! Guy, tabarnak! C'est moi ton assistant superviseur, là. Tu vas, vous me faites penser au caractère mou avec qui mon fils travaille. Son fils, c'est Jean-Guy. Ah, c'est... Non, on établit c'était qui le nom de Jean-Guy? Ah, son père. Fuck! Puis je me souviens pas. Ah, attends un peu, ok. Je veux rappeler qu'on a un wiki maintenant, wiki.caractèremou.com, puis dans le fond, c'est pas encore tous les épisodes qui sont recensés, parce qu'à date, il y a juste moi qui le remplis comme un esti d'épée. Ah, j'ai plus le temps. Puisque, c'est pas... C'est, la joke, mais ça m'énerve, parce que pour vrai, c'est genre la première fois de ma vie où j'ai pour vrai pas le temps. Genre. Non, mais c'est correct, puis c'était pas une craque, la craque c'était plus contre moi de remplir c'était ça. C'était mes fesses! De remplir ça comme un épée tout seul, puis je suis le seul qui trouve ça cool, tu sais. Mais non, mais c'est ça, justement. Genre, j'aimerais ça aussi. Mais attends un peu. Là, on va trouver le segment de... Ça serait... Je sais plus dans quel épisode que c'était, le père à Jean-Guy. Mais en plus, là, y a-t-il du monde qui commence à cet épisode-là? Fermez ça. Commencez ailleurs. J'ai pas envie d'expliquer c'est quoi le contexte de Jean-Guy. Puis, mais au pire... Il est pas là à soir, d'ailleurs, au pire, Jean-Guy, tu coupes. Au moment où je dis « Ah non, c'est pas... Hey, attends! Oups, hey! » Non, j'ai plus de montage, Lily. Ah oui, c'est vrai. Non, regarde ça. Non, mais aussi le buffer, ça sert à ça. Non, non, toi et buffler, là. Ça, buffer! Toi et buff. Je sais plus, quand qu'on a fait ça? Bon, ben... J'ai juste gâché l'impro. Que... Je pense que c'est plus de... Plus d'heures. Ben, tu fais que t'as pas de notes cette semaine, Mathieu? Non. C'est correct, j'ai pensé à tout. Je t'ai préparé tes notes. Je te ramène une feuille pliée. Dans le fond, faire du montage, couper le bout que je te dis que c'est moi qui les ai faites, mais on peut faire comme non, si t'étais. C'est encore tes plus notes. Drôle, je pense. Non, ben j'aurais coupé le fait que tu dis que c'est encore plus drôle, je pense. Mais il n'y a plus de montage, dommage, là, ça garde, ça reste tout. Ça garde aussi ma grosse respiration. Ok, nice. Fait que là, tu vas pouvoir remplir l'épisode avec ça. Je vais remarquer que mes notes aussi, j'en ai un shit ton. Pareil, 2 semaines accumuler des notes, ça paraît vite pour moi. Non, là. Mais... Pour on moi. Peut pas faire ça juste d'un côté, attends. Mais fais donc ça sur le côté de ton mic qu'on t'entend pas, t'as arnaque. Attends! Ah, tu je t'en fais une. J'ai pas le temps de faire des notes, mais je vais t'en faire pour toi, là. Bon, ben, ok. Ben, okay, pendant ce temps-là, pendant que t'écris des notes, je vais fouiller dans les miennes. J'ai une couple de petits trucs à faire. Ah, bon, ben, j'ai oublié. Je voulais faire qu'on était avec nos clones. Puis, hey, on est avec nos clones. Salut, c'est moi le clone. Mais c'est pas drôle. Dans le fond, je le ferai juste pas. Je vais juste dire que je l'ai pas fait. ok. Je trouve ça. J'étais en écrit 5. Attends. Toi, t'aimes-tu ça, les chars téléguidés? Ouais, mais je n'ai jamais. À chaque fois, je n'ai eu un. C'était un peu cheap. Ou ce que t'as. Tu sais, ceux-là, ce que c'est juste comme accéléré pis t'as une roulette. C'est pas genre. Pis ça tombe-tu juste d'un bord ou. Pas les plus cheap. Tu sais, les plus cheap, ouais, t'avais ouais. Reculons pis avancé. Genre. Ouais, non, c'est pis ça. Reculons et tournait. Ouais, là. C'est une coche au-dessus. C'est juste avec une roulette que okay, c'est, ouais. Tu tournes à gauche ou à droite, mais c'est pas comme un joystick. Ouais, un joystick, ouais. Genre, c'est plus cheap un peu. T'étais pas l'ami qui avait le style de gros. J'avais un ami qui avait téléguidé, ou qui avait un super soaker ou des trucs comme ça, mais non. Parce que les gros téléguidés, moi je me souviens, on dirait que tous mes amis avaient ça. Puis quand on jouait avec des chars téléguidés, ben leur batterie t'a fait pas 10 minutes. Ah ouais. C'est comme, oh, check mon gros truc! Ouais, ok. Mais... Puis moi j'avais le char téléguidé, je l'aimais vraiment beaucoup parce qu'il était comme. Ouais. Il était vraiment tout petit, puis il y a des petites grosses roues, puis il pouvait virer à l'envers, puis il roulait pareil. Il y avait comme deux barres, là. Fait que quand il roulait à l'envers, il retombait comme de l'autre sens, mais les roues, tu sais, étaient faites comme pour être en plein milieu de la voiture, genre. Fait que ouais. tu pouvais pas capoter avec ça, vu que s'il se retourne, il roule pareil. Ouais. Puis c'est... Je l'ai vraiment... Puis la batterie t'a fait vraiment plus longtemps que des gros pick-up de merde de mes amis. Fait que... Elle est toute chiée. Je sais pas où j'allais avec ça. C'est pas... Mais je me souviens plus du nom, mais c'était... Il y avait un côté, c'était une voiture bleue, puis un pick-up rouge. Pas très bon. Tiens, tes notes. Fait que Mathieu vient de m'écrire mes notes. Fait que... Ok. Veux-tu commencer avec tes notes? Parce que moi, j'en ai plein. Je viens d'en repasser à 5 autres, là, magiquement, sur une feuille quadrillée. C'est... Okay. Avec pas mon écriture, étrangement. Ouais, en plus, j'écris bien. Ben, c'est ça. Ben, en tout cas, ouais. Ben, oui. Ça se lit. Pas super, hein? C'est pas chaud. J'écris plus mal que ça. Je vous le montre. Vas-y. J'ai collé le micro sur la fin, ça a pas... Ouais, moi... Attends. Alors, là, je suis en indigestion. Hein. Il n'y a pas de montage. Ce silence-là, il est intégral. Là. C'est pas même plus de la comédie. Là. C'est De la comédie. Je trouve ça tellement drôle que quelqu'un utilise ce terme-là. Genre, tu sais, c'est de la comédie, mais pas dans le sens de c'est drôle, mais juste il joue un rôle. Genre. C'est comme. C'est plus ça, on dirait que ça. Non, ouais, c'est clair que. Ouais. Comme, c'est plus ça. C'est plus ça! Puis ça, mais t'as dit quoi, là, pendant que tu faisais ouais, tes petits besoins? Ouais, mardi, man, je suis revenu du travail, puis genre... Peux-tu que... Ben, il est bien... Man, la première... OK, non, je skip. Mais fais-les pas en ordre, tes notes! Ouais, non, c'est ça. Que t'as écrit. Veux-tu que je commence avec une de mes notes? Non! On a un appel! Oui, oui, allô, les sorbets du caractère mou? Attends, là, j'essaye trop d'affaires en même temps. Coupe tout ça, genre. Ben non, je coupe à rien, man. Pas de montage. Là, okay, la passe, c'est mou. Caractère mou, ça, c'est montage mou de merde. Parce que, tu sais quoi? Il y a plein de podcasts qui montent pas, puis que c'est long, puis plate, là. On devient un sur l'un, nous autres. Oh, t'as qu'à faire ça, j'arrêterai. Ouais, ben, OK, mais c'est 92, la finale des sorbets. Je vais juger au montage si je fais une petite cote. Mais, hey, ben, parlant de montage, parce que là, j'arrête pas de faire des jokes de montage, mais je t'avais dit le nombre de cotes qu'il y avait dans le dernier épisode, tu te souviens-tu, c'était quoi? 60 peut-être en tout. Je pense pas que tu me l'as dit, t'as envoyé des photos à quelqu'un. Mais. T'as envoyé des photos à quelqu'un? Ben, ça se peut, c'est juste pour les Patreons. ok, ben je me souviens plus, mais je pense que j'avais calculé 65, 70 cotes en tout. Tu sais, de si je. Puis c'est même pas des fois des trucs que j'enlève ou c'est juste des silences ou du retiming ou insérer un sound effect ou peu importe là, de la musique. Puis ça, c'était l'épisode au complet, le dernier, c'était 70 cotes. Le 89, j'arrivais à 70 cotes à la 5e minute sur un show d'une heure. Fait que je vous laisse, tu sais, ça, c'est pour vous prouver à quel point que c'était maladif. Ouais, c'était ça, un problème. C'est ouais, tu sais, on s'entend que un moment donné, là, Chris, là, on est tellement bon, pas besoin d'altérer ça. Non. Altérophile. Ouais. Altéro. Phil, tu files-tu bien? Veux-tu faire... Wow! Tabarnak, là, je me suis éloigné du micro, mon Du rot synchronisé. Rot synchro. Hey, dommage qu'on soit pas le mardi, là, ça aurait été étrange. Ben, c'est ça, t'aurais pu raconter ça, vu que c'est ta première note. Mais c'est de quoi que j'aime, je pense. Vraiment beaucoup, mais bon. Mais le principe que je t'amène des notes random... Ouais, qu'on se donne des trucs random, on dirait que c'est... Au pire... Ils servent okay, pas, là, on puis... peut couper. Je sais pas, ouais, on repart de quoi, mais il y a eu une cote. Une cote. Pas... Ben, cote, lui. Ah, il est cote. Il est cote. Cote, que je suis un poulet. Ah, ben, tabarnouche. Hein. Hey, cite, là. On a la cote, hein, ouais. Qu'on se le dise. On a mangé des cotes levées. On est allé voir Cote Levac en spectacle. Ben, okay. On s'en va sur la cote nord. La cote nord. Ouais, mais attention, on va aller sur la cote main. Ton vieux char, ta Ford Escort. Monter sur le coteur. Ben, c'est ça. Parce que c'est pas prononcé différemment, c'est littéralement comment c'est prononcé. Ben, c'est correct, c'est le meilleur jeu de mots de la bonne, je veux ben, dire. Toi, fromage cottage. Toi, t'as l'air de quelqu'un qui veut dire de quoi depuis tantôt, puis que je te coupe. J'ai rien à dire, je sais pas quoi dire. Ben, j'ai peut-être des vraies notes, là. Ouais. Ben, je pense que c'est fausse. Y a-tu un fruit que tu détestes? Genre que tu fais ça, je ne mange pas. Genre, je le regarde pas. Je le regarde avec du mépris, mettons. Ouais. Genre, tu sais, il y a des légumes. Que moi, je déteste. Moi, c'est genre la coriandre ou les olives. Je suis comme, arc! Mais en ben, fruit... OK, moi non plus, j'aime pas les olives. Mais genre un... Ben, OK. Mais que j'haïs un fruit. Je sais pas. Qui ça? Un livre, ça doit être un fruit, mais... Un livre, c'est pas un fruit. C'est pas une bibliothèque, c'est pas une fruiterie. Non, mais pour vrai... Ouais, non? T'as pas de fruits que t'es comme ça? Je trouve ça ben, dégueulasse. Le pire, sûrement, mais tu sais, peut-être plus mais des fruits exotiques que j'ai jamais goûté puis que si je goûte, je ferais comme Chris, non. Mais ouais. Pour vrai, je sais, non. Ouais, c'est ça, vite de même, non. Y a rien, y a pas de... Tu sais, moi, il y a les bananes que c'est comme un peu amour-haine. Tu sais, j'ai de la misère à... Si je prends une trop grosse bouchée, je suis pas capable de l'avaler. Je trouve ça dégueulasse, la texture, je suis comme... Ouah! J'ai eu une ex de même. Pas vrai. Elle trouvait que c'était trop une petite bouchée. mais ouais, non, à part les bananes. Moi, ouais, ça me ferait une banane. Je peux une, ma... une banane. Ah, je oui, pourrais okay me la rentrer au complet dans la gueule, puis je serais pas. Si j'ai un truc, ça serait une banane vraiment pas mûre. Tu sais, où ce qu'elle a plu, elle reste collée ouais, quasiment. Okay, ouais, puis ça goûte vert. C'est pas, ouais, le goût vert est pas agréable. Ouais. Mais tu sais, je la regarderais pas avec du mépris. Je vais juste attendre qu'elle soit belle le lendemain, mettons. Ouais, c'est ça. Je serais pas comme Christ banane. Non, exact, c'est ça. Juste pas ouais manger. C'est pas une joke classique d'humoriste, ça, de... Ah, oh, les ben, bananes sont jamais prêtes quand ouais, on ben, François Bellefeuille, là. Hostie de François Bellefeuille, hein? Mm. Non, mais c'est récent, même. J'aurais pensé que c'était genre une joke... Ben, il y en a sûrement avant, là. J'ai pas... Il y a jamais personne qui a fait des jokes de bananes avant François Bellefeuille. Ah, oh, je pense pas. Même son nom avant, c'était François Bananefeuille. C'est vrai, ça? On n'en parle pas assez souvent. Non. Mais... Ouais. C'est ça, je peux aller sortir. ouais, je peux aller sortir mes vraies notes. Hey, ça serait quoi un char téléguidé des sorbets? Un genre de mode de glu qui roule. Ben, fais-tu quoi de spécial? La glu, elle colle-tu au mur? Un tu peux-tu peu, grimper ouais ses... Ah, tu peux-tu grimper ses murs qu'un char téléguidé? Ce serait malade, mais tu sais, c'est le genre d'affaire que si tu utilises une place un petit peu trop sale, elle est trop pleine de poussière, puis elle colle plus, genre, t'es comme, oh, ah, tu t'allèves sous l'eau, puis là, ça compte plus, ça marche plus, parce que il est plus ça, là, c'est genre trop propre. Ces affaires-là, ils se lavaient pas, là. Ils non, c'est ça. Gluant, tu mets dans ça l'eau, ça reste collé, ou sinon, ça devient plus collant. Ouais, puis ça serait pas assez, je suis une motte avec des. Oh, ça serait pas mal, ça. Ça serait, ouais. Hey, on a des un fois, appel. Ça roule plus ou moins. On a un appel. Ah, oui, allô? Hey, salut! C'est Charles Guy Télédé. Hey! Vous avez dit mon nom? Non, non, on a dit char téléguidé. Oh, oui, que colasse! Ça doit vous arriver. Ouais, ça doit vous arriver. Ah, ça m'arrive quand même. Dans des Zeller pis des Walmart, ça doit être pas pire. Hey, le nombre de fois que des bonnes femmes essayent de me poser à la caisse pour leur cadeau de Noël, là. Monsieur, il est où votre prix? Ça doit vous arriver souvent. Ah, Chris, oui, pis c'est pas facile, hein, quand tu t'appelles Charles Gouigoui, là. Y a-tu des madames qui vous crousent un peu avec ça? Genre, hey, roule-moi dessus. Ah, ben, moi, j'essaie des affaires comme ça. Ah, ok, moi, vous roulez dessus. Ben, ben oui, c'est tout le temps. Puis, c'est tellement attirant. Puis, ben, en tout cas, ça finit pas tellement bien, hein, non, cette histoire-là. Hein, t'sais, ils prennent ça comme des menaces, là, ils me poursuivent en justice. Ouais, c'est ça. Écoute, là, tabarnouche, justement, samedi soir, je m'en vais au Costco, puis là, je passe dans l'allée des jouets, pas penser à ça, moi, tu sais, puis là, la madame, elle me met dans son panier. Puis là, je fais comme, ben, je suis là, moi. Il dit, hey, madame, les mofleurs, vous autres. Là, assis dans le panier. Puis, en tout cas, elle m'a dit que... Le Charles, que... téléguidé, il parle. Ben, c'est ça. Puis elle m'a dit qu'elle m'a frappé que sa sacoche en tapant. Ah, la crise. Les taloches de sacoche... T'es-tu bien lourd, sa sacoche? Et... Il y en a, c'est léger, il n'y a rien. Ah, non, il y avait du stock là-dedans. Okay. Pour moi, ça faisait une couple d'années qu'elle n'avait pas fait de ménage. Ah ben écoute, en tout cas, désolé, je pense que vous parlez ah, de moi. Ah, c'est correct, vous êtes que... bien sympathique, monsieur. Ben, on me dit pas ça souvent, mais merci, merci beaucoup. Bye. Ben, merci, bye. Fait que c'était Charles Chose, là. Ouais, Charles Téléguidé. Ouais, Charles Guido, là. Je trouve ça tellement drôle que ce soit juste Charles Téléguidé, c'est comme ça, il ressemble, mais pas vraiment, t'es comment que... Ben, tu sais, écoute, c'est drôle, hein? Lui, il nous appelle puis il nous écoute, mais il like pas notre page Facebook. Ben non, OK, on est à 108 encore. J'ai pas checké. Je pense que oui, j'ai pas vu passer d'autres likes. On a peut-être tapé 110 likes Facebook. Oh! recensement de les likes Facebook. On va aller voir là, tout de suite. Hey, c'est même pas vrai, les likes Facebook, c'est tout moins... C'est les Russes. C'est même pas des vrais likes, j'ai vu, y a personne qui s'appelle Barnabé. Shit. 112. Ben voyons donc, toi, voyons d'où que... ça vient. Voyons, c'est pourquoi que depuis qu'on en fait moins, puis qu'ils sont moins bons... Ça like plus. Bon, mais Chris, 93, peut-être ils vont au final, ils sont meilleurs. On est peut-être que c'est plus inspiré, mais on le sent pas. Ils font peut-être comme... Oh, c'est peut-être plus inspiré. c'est ça qui ont de l'air au naturel. J'aime ça. Oh. ça fait 2 ans que je les écoute, mais je vais liker là. Oh! Puis poste rien. C'est peut-être pour vrai que le podcast québécois s'en vient plus populaire. Non, ils font sous-écoute, il doit y avoir d'autres choses. Ben oui, c'est ça. Et Chris, hein? On commence, hein? Ben, ils vendent 3 bières, puis après ça, ça tombe. Tant qu'ils ont du fun. Ben, c'est ça. C'est un peu ça, d'avoir un peu de plaisir, ouais. Malgré tout, hein? Toi, ta couleur de fesses préférée? Changerais-tu ta couleur de fesses pour pouvoir le faire? Tu dis, moi... Je suis pas quelqu'un qu'on peut dire qui a des fesses. Fait que de base, je regarde pas souvent mes fesses. Ça te manque-tu, ça, d'envie de parler? Dire, je regarde pas souvent une partie de moi, mais... Je sais pas, couleur de ma peau en général, là, ouais. Beige-jaune. Beige-jaune, donc les fesses beige. Ouais, c'est ça. Mais toi? Ouais, ben oui, là, beige... Pas rose ou blanche ou... Ben, beige vers le blanc rosé, là. Avec hey, des grosses tapes rouges demain! Puis aujourd'hui aussi, hein? Toujours! Oh, j'ai un tatou! Ouais, puis, ben oui, moi c'est white power au niveau des fesses, okay. Je te dirais. Mais, tu sais, pour dire que, ouais, c'est vrai, je m'étais jamais rendu compte que c'était moi le porte-étendard des fesses entre les deux dans le duo. Ouais. Mais j'ai pour vrai, j'ai quelque tellement... chose, c'est un handicap, ça, de pas avoir des fesses? Je sais pas, parce que moi, j'en ai pas mal, là. Je sais pas, c'était, il y a sûrement quelque jamais... chose qui peut se dealer, là. J'ai toujours été assis, puis genre, je me suis jamais... juste depuis dernièrement, t'sais, avant, mettons, les 2 dernières années, je me suis jamais vraiment entraîné ou quoi que ce soit, fait que j'ai toujours un cul plat. Mais quand t'étais plus gras, jeune, je t'avais-tu un cul plat aussi? Je pense que oui, j'ai toujours eu de la misère à tenir des pantalons, genre, avec même que la ceinture serrée, il tombe. Parce que moi, j'ai un... pas pire. Un bouli. Bubble butt. Ouais, la crise, c'est moi ça, tabarnak. C'est ouais, ben, une boîte de pick-up. Ben moi, aussitôt que j'entends dire bubble butt, je fais ah, que Stéphane. Ben, j'espère. Oui. Je m'appelle pas, c'était bubble. C'était bubble butt. Merci. Ouais. Pour rien. Personne m'a appelé de même. c'est la seule que c'était pas vrai. Personne n'a vu mes belles fesses rondes. C'est ça. Personne me complimente. Ah ben, anecdote de fesses. Tu sais qu'en 3e année de secondaire, j'ai déjà cassé une tasse de professeur avec ça. Ouais, parce qu'elle mettait sa tasse à café quelque part proche de son bureau. Ouais. Puis son bureau, t'avais 2 côtés pour passer. Un qui a beaucoup d'espace. Puis un qui a très peu d'espace, mais que ça donnait que c'était plus proche de mon bureau. Puis il fallait aller remettre un examen ou whatever. Puis j'étais allé le porter. Puis j'ai accroché ça a l'air sa tasse avec mon cul. Fait que sa tasse n'est plus. Et le geste normal, je pense, d'un étudiant, ça aurait été d'y amener une tasse en cadeau. Mais je m'en calisse. Ouais, fait que j'espère que si nous écoutes, professeur, que j'ai cassé la tasse, je m'excuse. Parlant d'anecdotes de prof, t'as-tu des anecdotes de genre de moments comme hyper cringy que t'es comme « Ah, je vais pas m'en rappeler! » Avec un prof, je parle. Ben, c'est drôle, l'affaire qui me vient en tête, là, c'est quand 4e année du primaire, genre, je me suis trompé de local un moment donné. Genre, fallait aller prendre des photos. Con! Ben, c'est ça. Puis là, je pense, je fais comme, ben, on s'en crie. Ouais, mais ça. Ça, pour vrai, ça aurait été dans mes tops de cringe d'école. Puis là, je fais comme, ben, c'était con. Ouais. Non. Moi, il y en a un qui m'a marqué. J'ai 0 anecdote, là. Pourquoi j'ai un podcast? Ouais. C'était genre, on était dans la classe, je m'en rappelle plus de quoi on parlait, c'était encore de français. Puis il y avait une fille qui parlait, mais je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'elle disait. Puis ça, je sais pas pourquoi ça m'énervait. Puis il y avait un ami que je regardais en même temps. Puis je sais pas, il trouvait ça drôle que je fasse des mouvements. Ouais. Puis genre, un moment donné, je sais plus, juste comme « Ah, ta gueule » ou quelque chose. Tu sais, pas en parlant, mais le prof m'a vu. Puis il était comme « Toi, arrête !» Oh shit. Ou quelque chose, j'étais comme « depuis ce temps-là, je parle plus. Et je parle plus pendant tout. Ouais, puis jamais, c'est ça, jamais. Exact. Dans le podcast, c'est synthétique, ça, là. C'est, ben pas, c'est, une pote c'est un parle. Robot. Ben, c'est ça. Depuis le début, c'est moi tout seul. On m'appelle pas Robot-Dieu, Gilles Écrou. Pour rien. Pour rien. Effectivement, je t'appelle souvent comme ça, j'ai le robot Mathieu. J'ai le robot. Matt robot, j'ai les. Matt robot. Pas bien pensé. Hein. C'est bien pensé au bout. Ben. Moi, ben, qui est une affaire de même, moi, je me souviens qu'un prof chauve, ça pas grave, ça sert à rien. C'est un détail qui est complètement inutile, mais il me dit d'arrêter de parler un moment donné. Puis j'étais assez tranquille, fait que c'était pas une grosse affaire. T'aimais juste pas. Mais non, mais c'est parce qu'il. Je comprenais pas qu'il me regardait, parce qu'on dirait qu'il regarde plus haut que mes yeux. Genre qu'il louche un peu. Mais c'est le pire, il louche pas. C'est comme okay. Les deux yeux sont comme si tu regardais le toupette. Ah, oh, ça c'est. C'est tellement. T'as quelqu'un qui a un tic de pas regarder à bonne place. C'est comme il y a une personne que je connaissais qui. Il regarde juste un peu plus bas, pis t'es comme. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que j'ai ce gilet? Arrête! C'est à cause de ta poitrine. Et voilà, mes gros tétons. Moi aussi, je fais ça tout le temps. Ouais, c'est ça. Mes beaux seins. Ouais. En fait, c'était pour ça le podcast tout ce temps-là. Ouais, c'est ça depuis ce temps-là. Que ça si on met du caractère mou, c'est mou comme ces gros tétons. Ouais. Je sais pas pourquoi qu'est-ce que j'ai avec le mot téton, j'ai jamais dit ça. Ben, mais téton, deux fois de suite. Car téton. Comme l'émission on est des sons tétons. Jamais tu sais. C'est le genre d'émission où j'étais neutre. Ça passait, t'es comme ok. T'étais neutre et son triton? Oh, nice. Moi, j'aimais ça. Ouais, non, ouais, j'aimais ça. J'aimais ça, moi. Ce que j'aimais pas, c'était aussi l'émission en 3D du fantôme dans le. Ouais, Chris. C'est quoi le nom? Monstre par erreur. Ah oh, oui, monstre par erreur. Le pire, c'est, oh! C'est pas la première fois qu'on en parle et qu'on chie dessus, mais c'était horrible. C'était horrible. Puis, avec le chapeau des gens de. Barbershop Singer. Qu'est-ce qu'il y a rien de bon dans cette. Toi, je regarde tes fenêtres, il y a donc bien du manger, tu t'es fait. J'essayais de donner des notes à des asperges, mais. Ah! Sur 10, mais non, je les ai juste oubliés après. Toi, quand tu notes des asperges, sais-tu le concept de l'asperge au complet ou c'est par morceau d'asperge que tu notes? L'asperge au complet. OK. Savais-tu que les asperges, quand t'en manges, tu sais, ça pue. Avec quoi? T'sais, quand tu pisses après avoir mangé de l'asperge, ça pue. Je sais pas. C'est, oui, ouais? En fait, c'est... Mais attends, ouais? ça se peut que tu l'aies pas senti parce que t'as du monde qui peuvent le sentir, t'as du monde qui peuvent le produire. T'as du monde qui peuvent les deux, il y a du monde qui peuvent rien. What the fuck? Ça ouais. Dépend de quoi, ça? C'est-tu comme des affaires de reptiliens? C'est génétique. C'est genre, tu peux le produire ou tu peux pas le sentir. Qu'est-ce qui fait ça dans les asperges? C'est-tu un truc... Ouais, il y a une protéine précise. Ben, pas protéine, mais une molécule qui précise. Qui pue, puis ça se peut que je pue du papier. Quand je pisse des asperges, ouais, je le sens pas. Des asperges, ouais. C'est fou. Crée-moi que j'achète un shitload d'asperges en fin de semaine, pour on teste ça. Puis tant que je le sens pas, j'en remange, puis je le sens. Ça. Là. T'as pas le gène, arrête. Je veux sentir il ça. Il a du tout vert. Je veux pas aller aux toilettes à la job un moment donné. Qu'est-ce que tu manges des asperges, ça pue. Avec Chris, là. Lâche-moi que ton petit skills de malade. Arrête de sentir mon papy. Tu peux-tu appliquer ça un agent secret? James Bond, qui a ça dans sa trousse de skills, lui. Il pue pas, mais il sent le. Il peut sentir la puanteur d'asperges. Y a-tu quelque chose que ça peut servir en cherchant quelque chose en... Je pense pas. Non? Non. Y a pas, même pas une utilité à ça, comme au Chris, lui, il a pissé ici. Ça sent l'asperge mangée. Mais ça pue que ça sent, sais-tu? Toi, tu sens ça? T'as-tu ce skills-là? Je suis pas sûr. Je sais plus. Tu sais ce fait-là, mais t'as jamais... Ouais. J'ai déjà entendu ça sur un podcast, mais... Fait que là, si on a... tout ce qu'on dit ici, c'est vrai, parce que c'est un podcast aussi, là. Comme si je disais que j'avais de l'huile plein les genoux. C'est vrai. Ben, OK, je sais pas. OK, parlant de genoux. Je sais pas, j'ai pas d'huile dans les genoux, là. Mais mes genoux craquent. Ouais, moi aussi. Mais beaucoup, là. Genre, c'est normal, ça. À un moment donné, quand tu t'approches de la trentaine, ça fait ça. Tant que ça fait pas mal. Ben, ça fait pas mal. Bon, t'es clair. Mais vas-tu entendre mes bruits de genoux, tu penses? Ah! Ça sonne ça sonne comme des Rice Krispies. C'est normal. On apprend aujourd'hui que Stéphane est en train de mourir. c'est assez long. Mais ok. Ben, je pense que si jamais tu meurs, man, je vais laisser envoler au lieu d'une colombe un oiseau bleu. Ah, oh, mais j'ai pas mal aux genoux. Fait... What? Oh shit, tabarnak. On aurait compris. Ouais, faudrait partager les notes après l'épisode. Ouais. Voir si quelqu'un est capable de les identifier. Ouais, c'est ça. Aller chercher une autre bière. Oh, ah, ben, veux-tu que. Ah, oh, fuck. Est-ce qu'on fait ça live dans le podcast, comme des estimements? Hey, veux-tu. Veux-tu ramener une autre. Merci. Ben. Fait que c'est ça. Sorbet du caractère mou, votre podcast préféré, maintenant aux deux semaines, pendant que je suis seul, Mathieu, t'allais chercher de la bière. Vous aurez compris qu'on est en personne encore. On essaye, je sais pas, on peut-être faire ça plus souvent. On aime ça. On aime ça faire ça. Moi, je suis parti pour un. Pour un podcast. Ça doit faire peut-être un an et demi qu'on commande dans pire place de pizza, parce que je pense qu'ils sont fermés. T'es sérieux? Ouais. Votre place ici. Ouais, tu m'en as pas déjà parlé en plus. Oh, shit. Pizza Roma. Pizza Roma. Pizza Roma n'existe plus. Ah non, elle existe encore. J'ai rien dit. Ah, bon, ben. J'ai rien dit. Ça, tu sais, quand tu parles de scoops tellement frais qu'ils sont pas vrais. Oh là là. Oh là là. Oh, hey. On peut aussi ne pas parler pendant que tu commandes du manger. Là. Ouais, on peut prendre une... Je peux le mettre sur pause. Là, ça repart. Donc, après que j'ai gossé environ 15 minutes pour décider de un problème, où... Ça, là. De où on commande... Commander ouais, du mais j'avais pas goût de rien. Fait que ben finalement, là, on a mangé du McDo. T'es parti, t'avais envie d'Indien, finalement, non. Ah là... non, mais c'est parce que lui-ci, ça ne tentait pas l'Indien. Puis toi ah, c'est non vrai. Plus. Okay, ouais, ouais. Ben, c'est sûr. L'Indien, c'est le fun, mais c'est cher. Versus ouais, d'autres ça choses. Ouais. Si tu veux manger bien, tu prends le truc avec le riz, puis ouais. Surtout, en plus, commander, on dirait que l'Indien commandé chez quelqu'un d'autre, tu sais que tu te fais crosser parce que tu vas pas le finir, puis tu vas y en laisser. Ah, non. Moi, je finis tout. Ouais, c'est ça. Je vais mourir j'ai après pas, cette bouchée-là. J'ai pas un bubble oh, moi, je te laisse pas 25 cents d'Indien. Ben non, Chris de si. Non, non. Il n'y a pas de question que je fasse ça. C'est tellement bon. C'est bon de l'Indien. Puis là, je suis content parce que là, on avait déménagé. Mais là, on a retrouvé un Indien qui goûte comme vraiment bon, comme on aimait okay à l'autre place. Fait qu'il y a genre poulet au beurre qui goûte pas genre la sauce tomate. Non. Ouais, ça c'est le pire. Ouais. Poulet au beurre à tomate, c'est comme... Vous l'avez entendu ici. Qu'est-ce que vous faites, sti? Ouais. C'est au beurre, pas aux tomates. Ouais. Tu vas-tu manger au cinéma du popcorn aux tomates? Non, c'est ça. Vas-y. J'ai déjà dit l'expression au Saguenay? Non. J'aimerais mieux changer mes deux chats contre une machine à pinball que faire ça. C'est courant, ça! Ouais. J'ai entendu d'autres mondes du Saguenay dire ça. Ben, okay. Ouais, ben on est bien fan de machines à pinball. Ben, c'est ça. Saguenay. Toi, mais au Saguenay, tu penses que c'est la machine à pinball qui est au top? Elle qui est au top, c'est elle d'Iron Maiden. Ouais, celle-là. Ouais, c'est. Tout le monde fait comme Ace of Spades! Je sais pas c'est quoi les paroles de la toune, mais. C'est Ace of Spades, c'est pas Iron Maiden. Non, c'est Ace of Zayde. C'est vrai, c'est Ace of Zayde. Ben, tu vois, au Saguenay, on est de même. Bref. Moi, j'ai juste Run Through the Hills en tête. Non? Hey, non, ça sonnait comme un thème d'émission en TVA, genre Top Model. Non? Je l'ai pas, c'est pas note pour note. C'est presque exact, mais pas. Avec la bulle dans la gorge aussi. Aïe. Fait que j'ai... Tu sais, ça t'arrive-tu que tu manges beaucoup pis t'as l'impression d'avoir le menton plein de goglu? T'as-tu déjà mangé des goglu? Là, non. Il y a pas un festival là-dessus. Ah, ok, c'est ça. C'est ce que je me demandais en écrivant. Ah, attends, c'est les biscuits. Oui, les biscuits goglu. C'est quoi déjà des biscuits goglu? C'est genre des petits beurres. C'est comme sec, des petits beurres. Ouais. Goûte les tomates. C'est ça, des esties. Toi aussi, c'est ta tomate. Et Chris. Non, mais c'est genre de... En fait... Ok, oui. Ça, c'est vraiment. Mais c'est le genre d'affaire que. On dirait que si t'es manges chez quelqu'un d'autre, t'es comme, c'est ben bon! Puis là, quand t'en as genre 75 à manger pendant genre une semaine, t'es comme, ah, qu'est-ce que c'est sec finalement? Genre. À combien tu penses que ça accosse-tu après 4 goglus, tu fais, ok, c'est pas si bon que ça? Ça dépend. Ou c'est à 5 puis le 4 premier sont corrects? Ça se met-tu dans. Tu peux-tu faire des carrés magiques avec ça? C'est avec du pudding puis. Des carrés magiques? Comment c'est, ben, tout le monde a un nom différent pour ça, là, mais tu sais, ouais? Des trucs avec des biscuits Graham, là, c'est comme biscuits Graham, pudding, biscuits Graham. Ouais. Mais tout le monde, personne n'a le même nom pour ça, mais dans nous autres, c'est carré magique. Ouais. T'as-tu aussi du gâteau magie noire? T'as déjà mangé ça? C'est quoi, c'est plein de poils de la personne que t'as eu, puis t'as essayé de faire un sang. Exact, t'as une goutte de son sang. Non, c'est un gâteau magie noire, c'est ouais. Non? C'est genre de c'est gâteau. C'est bon ça? Ouais, ça sonne pas bon, juste au son, là. Ouais, c'est absolument pas ça. Ça donne. Ah, c'est ça. Gâteau magie noire, la première image Google, c'est un genre non, de non, mais ça ressemble à une genre. Ça, c'est comme. C'est un peu comme du pudding chômeur, mais au chocolat. Pas du pudding chômeur? Chômeur, ouais, chômeur. Chômeur. Chômeur. C'est un mot anglais, ça, du pudding chômeur. Ouais. Chômeur. Le fameux pudding chômeur. Ok, ben, continue, je vais faire un rap. Yo, hey, le pudding chômeur, ça c'est hot. Ça ressemble beaucoup à des culottes. Tu ressembles beaucoup à un pilote. Puis tu manges plein de pelotes de laine. Oh, hein? Revirement de situation. Le monde pensait que j'allais dire l'autre mot. Mais ouais, c'est bon. C'est parce qu'en fait, c'est genre le gâteau est tellement liquide, je pense que ça caramélise sur le top. Ça devient pas comme un gâteau. Puis est-ce qu'il y a vraiment de la magie noire là-dedans? Ça vient de quoi? Ça vient de quoi, ce nom-là? Je pense que c'est un subterfuge. Je pense pas que c'est de la magie. OK. Ben effectivement, ben, tu me dis ça, puis le carré magique, il y a rien de magique. Là, on s'entend des biscuits, du pudding. Est-ce que de la vraie magie? Ben, de mangue à... De mangue? Moi, les mangues, c'est le fruit que j'ai le plus. Je méprise, fait que je le rajoute dans tous les mots que okay. Je dis en parlant mal. Ah! Mais demande à Luc Langevin. Kiwi, j'aime pas tant ça. Pour revenir sur les ben, fruits. C'est bon des kiwis. Correct. Non, non, c'est bon, t'es tannant. Hein? C'est bon un kiwi. T'as-tu déjà vu quelqu'un qui. Je connais deux personnes qui mangent le kiwi avec la pleure. Ça, j'allais dire, c'est parce que tu manges le poil. Non. Tu manges. Non, mais avec la technique de la cuillère, mais c'est tannant. Ben oui. Ben... Ouais, mais tu gaspilles plein de fruits. T'es comme, tu te sens pas. De quoi tu sens que t'as plein gaspillé? Genre, ben, la cuillère, des fois, ça pogne pas tout le fruit. Mais là, tu grattes, tu vois pas... Si tu grattes, ça prend pas le poil. J'en mange jamais. Juste, ben là, il y a du monde qui mange de la pleure. Ben comme oui. Une pomme. Ouais. Genre, dedans, je connais deux personnes qui font ça. Ouais. Qui font ça. Ben, c'est... ouais. Là, c'est ça... pas des humains. Ben, c'est ça. Ah, bon. Ouais, c'est ça. J'ai vu faire ça, mais après ça, ils sont envolés avec le gros aile en cuir. Ben, c'est quoi le nom de ces cette sorte des gargouilles. Oh, c'est des gargouilles. T'as-tu joué avec des gargouilles quand t'étais petit? Il y a une série de jouets gargouilles. Non, mais j'avais une gargouille mais du film Hercule. D'un jouet McDo, je pense. Parce qu'il y avait aussi... Tu sais, les fours à glu de bébite, là? Oui. Il y en avait de. C'est justement lui que je parle. De ça fait genre trois fois que j'en parle en 3D des gargouilles. Ah, peut-être. C'est pourquoi à chaque fois qu'on reparle de quelque chose, je m'en souviens pas tout le temps. Ça! Hey man, c'était pile ça! Ah, c'est lettre! Ben oui, c'est. Son nom est lettre. C'est mon frère. Gargoyles. Ah, ben moi je connais le jeu sur NES. Là, ça. C'est une série de. Oui, je pense que c'est Super c'est NES. Un cartoon, genre. Je sais pas. Mais je me rends compte Gargoyles. À quel point, genre, j'ai jamais. Dans ma tête, j'ai jamais eu beaucoup de jouets parce que j'étais. Genre, ça va sonner vraiment, genre, attardé, mais j'étais pas capable. Je suis pas capable de jouer avec des jouets puis imaginer un scénario puis être dedans, genre. Incapable. J'ai jamais fait ça. Genre de, piou, il tue, puis là, t'as le bonhomme, puis il vole, puis t'es comme... Tu t'inventes un monde avec ça. Je suis pas capable. Jamais fait ça. T'as pas d'âme. Je le sais! Voyons, t'as jamais fait ça. Non. Puis t'as jamais des jeux comme imaginaire avec tes amis... vous êtes des, ok, là on est des chevaliers, oh, là tu sais, un dragon avec une fausse épée, tu tiens du vide, genre, puis là tu imagines des scénarios de même. Je sais pas, ou peut-être, il y a quelque chose. C'est le même principe, mais avec des humains, ouais, versus mais des jouets. Je m'en rappelle pas, non. Je pense pas, mais. On dirait que je te respecte moins. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me perturbe. Je faisais des cascades de Jackass, des affaires de même. Ouais, c'était trop occupé. Mais je pouvais pas jouer avec mes autos, y a j'étais une trop occupé à que... me rater dans le cul! La seule que je me rappelle qu'on a faite, c'était. On avait accroché une corde sur un vélo. Puis on avait accroché l'autre fin de la corde sur un sur truc. Sur ton cou, non? Non, ouais, c'est ça. Puis je suis mort. Ouais. Deuxième mort. Ouais, c'est ça, c'est. Non, mais c'est quelque chose qui était genre dans le sol, le prix. Puis j'ai juste comme roulé super vite. Puis jusqu'à là, ça me stoppe. Puis j'ai revolé du vélo. Sam, c'est qui ça? Ah, Sam. Ça. Je l'ai pas touché une corde sensible, je m'excuse. On salue s'il est encore vivant. De toute façon, t'es mort. En 92. De toute façon, il est peut-être de l'autre côté. On sait qu'ils peuvent écouter des podcasts. Là. C'est un des. C'est un des. Spectres. Merci. Qu'est-ce que je cherchais le mot? Mais notre lore est compliqué, Mathieu. Je comprends que tu t'en oublies un peu. Là. C'est, c'est pas évident de donner tout ça aux entendre. C'est un tissage complexe de lignes. C'est littéralement des tissages, hein, de tout petits, qui disent une belle pensée du jour à chaque fois. Tu leur parles, tu mets le micro devant eux, puis ils font « Aujourd'hui, les fleurs, c'est la douceur de l'existence. Il suffit de regarder la belle nature. » Quand la profondeur des pédoncules touche l'âme. C'est ça, tu vois, ouais. Ces petits sages-là. Comme ça, c'était une sorcière avec une verrue. Mais... ouais, mais écoute, les tissages sont pas tous pareils. Ben non, exact. Le mien, c'est le plus classique. On juge pas, n'importe qui peut tisser. Ben, c'est ça, exact. Comme moi, justement, je tissais, là. Ben, non, j'ai pas, moi, je peux tisser une belle moustache. Ouais, ben oui. Moi, tu sais, j'ai tout fait. J'ai tout fait tes notes. J'ai gagné. Ah, ben oui, toi. j'en ai 6. Ouais, ouais. T'en as fait plus que moi. En tout cas, c'est pas clair. Là. Je rappelle qu'on a chacun des notes inventées. Là. Mais c'est parce que j'ai des vraies notes. Ouais, ça. vas-y. J'ai des vraies... la bouffe, hein? Ouais, ben j'ai... On recommencera après la bouffe. Ouais. Ça va être tout bon. Là. Après la bouffe! Des retours après la bouffe. OK. OK. On est en feu. Je propose un nouveau segment. Oh! T'as-tu un dictionnaire proche? Non, on n'a pas de dictionnaire ici. Oui, on va aller, ça n'a pas écrit. Ok, t'as-tu un livre en français? N'importe quoi. En français, ouais, j'en ai. Attends. N'importe quoi, là. Il va y avoir des mots spéciaux. Oh, oh, oh. Fait que je pensais qu'il y aurait un dictionnaire. Ça fuck un peu mon plan. Mais tu reviens avec un livre qui s'appelle... Même le mal se fait bien de Michel Folco. Yes, lui là. Aucun rapport. J'allais mettre les écouteurs, c'est un réflexe. Mais c'est correct, ça fait professionnel. Okay. Ça, on n'a pas d'écouteurs, mais tout. Ok, bon, okay. Nouveau segment, jeu de mots. Jeu de mots. Ok. Trouve un mot, puis il faut faire des jeux de mots avec. Ok. Fessier. Qu'est-ce que vous fessiez là, vous? C'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Hein. En tout cas, je t'ai dit que dans toute la soirée, c'était vraiment mon fessier. Ouais. Hey, il est tombé! Attends. Tombé sur... Sur le fessier. Oh non! Ah, c'est pas bon. Hey, ça fait mal aux fesses. Yeah! J'ai aucune inspiration aujourd'hui. Attends. Tombé ses fesses, il est mort! T'es quand même dit fesses, là. On s'entend que c'est pas. Mais non. Tu l'as fait à 50%, mettons, là. Immergé. Tabarnak. Ok. Le gars, il touchait à mes tintins, puis là, il grattait le top. Je lui dis, hey, t'as bémergé. Hein? Ah ouais. C'est le seul que j'ai trouvé, là. Ok. Mais tu sais, un moment donné, il a dit ça, mais il était petit. Mère, j'ai tombé! Ben oui. T'es moins bon que le mien. Mais oui. Tôt. Ah, non. Ouais, attends. C'est Toto, ça. Ok, jument. Mal boire tout le jus, ma calice! J'allais dire calice aussi. Ah. Après, bon. Bon, ouais. Attends, ok. Donc, ben plein de jus, ça. Attends, pas ça. Donc, ben plein de jus, m'en suis mis partout. C'est un peu exactement le même jeu de mots. Ah oui, on voit que ça vient pas d'un ça vient pas du génie, ça vient du common sense. D'un jeu mis. Non, jeu mis, même. Oh, tu calice. Okay. Singulier. C'est drôle, hein? Dans les livres, là, j'ai 4 Peter Pan puis 5 Gullier Vert. Ok. C'est poussé par. C'est tiré un peu par les cheveux, je l'admets. Es-tu déjà allé visiter la ville Singulierly? Singulierly? Ouais. Non, ça marche pas. Moi, j'aimais ça dans Astérix quand je chassais le singulier. Oh! On est allé dans un on est allé dans un concours porcin. Gull, il est arrivé premier. Parce que Gull, c'est un surnom c'est un nom, courant qu'on s'est dit. C'est un nom porcin. Gull. Les fameux noms porcins, on s'en parle jamais. Surtout pas hésiter en le disant. Dernier, mouette. Mais mouette. Ouais, c'est ça, j'allais dire, mais mouette. Okay, mais... Les sorbets du caractère mouette. C'est un très bon podcast. Hey, vous, là, caractère mouette, un bon podcast. Tu gagnes des points, puis tu t'en dis la même chose que moi, mais avec une voix. Ah oui, oui, mais non, mais là, c'était pas, ben, c'était pas moi qui en avais, c'était une réinterprétation. Je te l'ai donné, je t'ai dit que t'as gagné. Je saigne! Ça veut dire que j'ai gagné. OK. Kung Pao sur le pot, c'est pas plus drôle. Ça doit pas. Pour vrai, là, Kung Pao, un coup que t'as atteint, un coup que t'as vidé le jus de comment que ça peut être drôle, puis que tu ris plus, c'est plus drôle. Ça se peut plus. Tu, ouais, tu peux plus écouter ce film-là. Parce que pour vrai, même avec le recul, les scènes que je trouvais drôles sont encore drôles, mais sur, tu sais quoi, c'est une heure et demie, t'as peut-être un 25 minutes, ouais, le max, là, qui est encore bon, puis le reste, c'est pas drôle. Ouais. Quand c'est pas drôle longtemps. Là. Ouais, le bébé qui tombe de la colline. C'est long! C'est le, je trouve que c'est le meilleur bout de l'intro. Là. Ah ouais? Ouais. Je m'en à cause de la madame qui écrit en bas. Ouais, non, ouais, ça c'est bon. C'est joli! Bye bye! Kung Pao. Si vous avez jamais vu ça, Kung Pao, c'est extraordinaire. Là, ouais. Mais c'est. Ouais. La première fois est le fun, puis après ça, c'est correct. Ouais. C'est un des seuls films que j'ai écouté deux fois de suite. Ouais? Quand on l'a, genre, c'est en secondaire, j'ai 14-15 ans. Je pense, pour vrai, j'ai fait pareil. Ouais. J'ai tellement aimé. C'était tellement. Je comprenais rien. Je suis comme. Pourquoi ça existe? Pas. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est. Fasciné par, ouais, ce film-là. Mais c'est un peu dans le même temps où que j'ai écouté Monty Python et le Saint Graal. Ok. T'avais vraiment aimé ça? Monty Python? Ouais. Oui. Ben, Holy Grail, mais oui, j'ai pas. Oui, mais après, genre, j'ai écouté pas autant que Kung Pao du tout. J'ai, okay, écouté une ou deux fois. Dans ma tête, c'est comme, c'est malade. Puis à un moment donné, j'ai réécouté, puis j'ai comme, Chris, que c'est pénible comme film. Il y a comme 10 minutes max de vraiment drôle. C'est vraiment drôle, ces bouts-là. Mais entre-temps... C'est le feeling que ça m'a donné la première fois que je l'ai vu, mais j'étais plus vieux. Okay, il aurait fallu, ouais, que je vois ça dans plus jeune. Là. Ouais. Ah non, ouais, c'est pas constant, disons. Constantinople. Ah, ouais. J'ai d'autres notes. Puis c'était pas Constantinople. On a un appel. Oh, tabarnak. Allô? Les sorbets du caractère. Allô? Allô? J'ai entendu vos genoux tantôt. C'était. Je m'excuse d'avance, là. Ben, en retard, plutôt. Ouais. C'est un peu comme, tu sais, Batman, tu vois les lumières, moi j'entends les sons. Je m'appelle Gaspard. Gaspard, ok. Gaspard. T'entends les sons? Ouais, on m'appelle Gaspard, les genoux. J'entends les sons des genoux qui craquent. Ben, tout le monde l'a entendu, ce son-là. C'était assez fort. C'est parce que tu entends d'autres choses? Ah, oui, non, ben, moi, je sens les vibrations de l'univers. Toi, à chaque fois qu'un genou craque, tu vibres ou quoi? Oui, c'est comme des ondulations un peu partout. Ça doit pas être facile. Non, ça chique tout le temps. Puis vous, vos genoux, la santé... Oh, ça va très bien, j'ai 12 ans! Oh, t'as pas Chris! Oh, mais ça vieillit! Ben, les ondulations, ça me shake tout le temps! C'est ça, je vous donnais pas 12 ans, je vous en donnais 72, qu'on se dise. J'ai l'air de ça, ma peau est tout fripée, elle shake tout le temps, ma peau réagit aussi aux ondulations. Puis, votre espérance de vie, environ? Aucune idée, je suis le premier, j'ai peur de mourir, ça a pas de bon sens! Ah, c'est pas recensé, ça, vous êtes le premier à atteindre ça? Oh, je suis le premier, j'ai tellement peur! Pis ça, à chaque fois, mettons, moi, je plie des genoux, là. Ouais, ça... vous pouvez me tuer à chaque fois. Ok, ben si je bouge pas, c'est correct. Oui, bougez, okay, plus. Ben c'est ça, on peut se servir de notre plateforme, parce que, tu sais, notre podcast, c'est quand même, pour nous vanter, on a 110 likes Facebook, faut qu'on a un hostie de reach assez énorme, là. Ben, écoutez, on va s'adresser aux auditeurs pour vous une fois. Vous allez sauver ma vie. Vous avez un appel, monsieur, je vous laisse, au revoir. Bon, ben, on est obligé de laisser l'appel pour répondre à l'appel. Fait que c'est compliqué, hein? Ben, OK. Bonjour. Allô? C'est Gaspard les genoux. Oh, madame, vous me faites tellement plaisir. Quoi? Parce que t'as appelé pendant l'appel de Gaspard les genoux. Ah, oh, j'ai tellement peur de mourir, madame. Il y a 12 ans, ça paraît pas, là, mais... Oh, j'ai peur. Ben ouais, je peux-tu t'aider? Non, je suis biéré, mettons. Puis j'ai pas, on n'a pas encore mangé, puis le McDo est pas arrivé. Je fais juste pour un approximatif vite, là, de temps, là. Ben, j'ai-tu un max? Ben non, je veux savoir. Mais, mettons qu'on mange, puis toi, tu réalises vers 10, mettons? C'est trop tard, ça? Je vais-tu t'emmerder? Je reste là. Ok, ben non. 10 heures. Une heure et quart encore. Madame, croquez pas vos genoux. On va nous dépanner, ok? Ok, ben c'est bon. Fait que nous autres, on continue le podcast, là. Merci, hey, merci de votre présence, hein? Bien! Hein? Allô? Allô? Ben, bon, ben c'est ça, c'était ma blonde, son amie qui m'appelait. Parce que ma blonde, elle venait chercher après, on est chez Mathieu, là. Fait que c'est comme, elle veut savoir. C'est mon personnage préféré. Gaspard les genoux. Oh, j'ai tellement peur de mourir. C'est drôle, Gaspard les genoux, il est comme, on dirait Jean-Guy le gars des fils 2.0. Ouais, mélangé avec genre de... Du plaisir, il y a quelque chose de le fun. Ouais, c'est ça. On dirait, je veux pas qu'il souffre, mais un petit peu en même temps. Comme ça fait que t'es le fun. Fait que continue à avoir peur, s'il te plaît. Fait que Gaspard, ben merci. T'es encore Gaspard. Là au bout de la ligne. Merci beaucoup. Oh oui, mais je m'en vais. Là, je vais aller essayer de boucher mes oreilles. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est ça la solution. Ou ce sera peut-être le temps d'essayer. Oh, je vais bientôt les couper. J'ai trop peur. Ben, mais c'est Gaspard et Chris. Fais pas ça, Gaspard. Là. Ben, ça se peut que Gaspard rappelle pas. Parce qu'il pourra pas écouter notre podcast. Les prochains appels. Ouais, ben c'est ça. Hein, les fameux prochains appels. D'ailleurs, là, c'est-tu comme d'avoir un vrai appel pendant un faux appel, c'est trop spécial. Méta. Ouais, c'est un vieil méta en tabarnak. Là. Hey, quand t'étais jeune, tu te promenais, tu sais, t'as comme un quartier là, entoure ton école primaire. Mm. Si t'allais plus proche des autres écoles primaires, te sentais-tu comme en territoire ennemi? Je pense pas, non, j'avais juste peur de me faire chicaner par les profs. Ok. Ouais. Comme d'autres profs te disent, hey, t'es pas de DNC. Qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai jamais eu d'amis dans d'autres écoles vraiment. Fait que j'ai jamais été. Vrai. Puis ils étaient pas si proches. Oh! Oui! Mangez! C'est le McDo! Fait que ça, c'est. Hey, ça. Non, c'est... Ouais, ça va être. Fait qu'on fait une pause. On fait une pause, on revient. Et on vous revient tantôt, ça va être écœurant. À sentir le tabarnak. C'est ça, fait qu'on vient de manger le McDo. Il manquait des choses dans notre commande. Hein? Ouais, Uber Eats, merci. Ouais, ben lui, on sait, hein. C'est lui le scientifique célèbre. Ben, Uber Eats. Lui, il dit peut-être bien des affaires, là, mais. Ouais. Mais le McDo, il t'amène pas à bonne commande. Non, c'est ça. Jamais. Comme Chris. Ah, l'esti. Une chance qu'il n'a pas choisi de faire ça sa carrière. Ça a l'air qu'à ce soir, il faisait ça. Il filait pour livrer du McDo. Fait quoi, ouais, il manquait étrangement juste la commande à ta blonde. Ouais. Genre, tout. On n'a pas commenté. Dans la commande, on a choisi nos trucs séparés. Non, c'est vrai, ouais. Puis c'est que ses trucs à elle. Ouais, parce qu'on a rajouté des trucs à la fin. Ouais, c'est ça. C'était pas juste comme moi, j'ai commandé, puis toi, puis Lucie, mais c'est. Ouais. Ben, à moi que ça soit sa frite. Puis que j'ai. Ben, ouais, il y a les frites que. C'est au plus final, drôle, ça imaginez que c'est pas grave, il y a trois frites, là, mais... Mais comme Chris, c'est pas compliqué, regardez sur une commande, c'est pas comme s'il y avait 50 items. Hey, hein, moi, les livreurs! Non, ça... Dis-toi de sa faute, clairement, là, lui, ouais. Qui est pas juste allé chercher un sac prêt. Ben, c'est ça. Fait que... Ouais, c'est correct. Fait que c'est ça, de tes expériences. Moi, j'ai tout ce que j'avais, fait que... Hey, t'es en train de boire ta propre bière. Ouais, elle est pas bonne. Non, c'est... Tu disais, plus qu'elle vieillit, plus qu'elle goûte surette. Bah, surette. Veux-tu goûter? Tiens. Ben, je peux-tu, ouais. Ben oui. J'ai 15 feux sauvages, ça dérange pas. J'ai de pu qui rentre dedans. Là. Mais vraiment, la mère est pas bonne. Ouais, pas désagréable. Ouais, c'est une bière. Non, elle est pas. Je fais pas comme. J'en veux plus. Ouais. C'est sûr que j'ai la mienne. Je vais commencer à voir la belle-mère Archibald. Elle se boit. Non, non, elle est fun. Mm. Elle a un arrière-goût bien le fun, je trouve. Non, as-tu un nom? Non, pas encore. Tant que c'est pas une bière que c'est moi qui vais avoir genre décidé la recette. Ouais, c'est vrai, tu m'avais déjà dit ça, c'est vrai. C'est que je me répète tout le temps. Et tabarnak! Tabarnak, j'ai peut-être des notes, justement, pour pas me répéter. On va tomber dans le contenu exclusif pour vous. Je vous annonce qu'on a maintenant un Patreon. vous avez juste allé sur patreon.caractermou.com. Pour donner, écoute, on veut être riche. Je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y a 92 fois être riche. Ouais. Patreon.caractermou.com. Riche.com. /riche. Ouais. Tout ça pour dire. L'autre jour, j'attendais dans le métro. Comme, en tout cas, ça a l'air que quand t'es dans le métro, faut t'attendre pour qu'il se rende une place. Là. Puis d'habitude, tu sais, je regarde. Tu sais, quand on est bien serré là, dans les heures de pointe, mettons, tu sais, je regarde à terre pour éviter le regard du monde. Mm-hmm. Puis là, je savais pas où regarder parce que la madame en face de moi, elle avait un sac de magasinage de magasin de linge pour enfants. Puis son sac, c'était rempli d'enfants comme un peu de mode et qui faisait des pauses. Puis peut-être comme semi en costume de bain. Puis je peux pas regarder ça. Je peux pas fixer le sac avec les enfants en costume de bain. Là. J'étais mêlé, j'étais là, Chris, que je regarde, je peux pas. Tu sais, je monte plus haut, je peux pas regarder les genoux de la madame. Là, plus haut, ses yeux, m'ont regardé les pubs en haut. J'étais mêlé, là, j'avais mal dans le cou à la fin, pas ouais, de regarder si vrai. Haut longtemps. C'est pas une vie, là. Ouais, je ferais bien une pub de sac, je sais pas d'où ça venait ce sac-là, mais je magasine pas là. J'ai pas la shape d'un enfant, malheureusement. J'ai comme un coup de pied sur la table aussi en enlevant mon jambe croisée. Ma table! Ma table! Ah, oh, ma table! Ma table! Ma table! Quoi? Ma table! Hey, monsieur! Monsieur, madame! Hey! Hey, monsieur, madame, c'est-tu vous pour vrai? Hey! Madame, monsieur! Je l'ai dit, cette semaine 92, on est la catégorie humour, nous autres tout seuls sur Radio. Ouais. Hey, ok, Kung Pao. On parlait de Kung Pao tantôt. Ouais. Mais j'avais un autre truc à dire que j'ai oublié. Mettons qu'on aurait à faire un Kung Pao québécois. Ok. Ouais. Qui qu'on insère dans quoi? Genre, mais mettons, tu parles de quel film? N'importe quel. Quelque chose de québécois. Une vieille série, un vieux film. Puis ça peut être n'importe quel acteur d'aujourd'hui ou un humoriste ou peu importe, ou nous autres, genre. Mettons, on s'insère dans quelque chose, au pire. Genre 4,5. Ouais. Est-ce quoi à faire 4,5? Sûrement. J'ai pas... En fait, on devrait dire Radio Enfer parce que tu le connais par cœur, mais... Oh, je pourrais être dans Radio Enfer. Enfin. Bonjour, Vincent! Hey, là, c'est ça, faire un high-five à Vincent, ben, croiser ben, Camille, écoute, là. Quand j'étais jeune, j'avais un kick sur Camille. Ah ouais? Ouais. Je m'en rappelle plus, mais... Ouais. Sûrement Maria. Ouais, sûrement. C'est le choix. Là. Ouais, c'est le choix logique. Ouais. Fait que Radio Enfer. Mais c'est vrai, si vous avez... Moi, je te le demande. J'ai pas d'idée, vraiment. Puis vous? Et vous? C'est interactif. Répondez-le. Avez-vous une idée? Avez-vous? Ouais, c'est ça. Aidez-nous. Mais j'ai d'autres notes, hein. J'ai plein de notes. Pour vrai, j'en ai à la tonne. Sais-tu ce qu'on est rendu? Non. On est rendu, hein. Puis c'est le fun que tu l'ailles chez vous. C'est la roulette à sujet! Oh! Tabarnouche, elle est là. C'est ça. On la tourne. Et ça tombe sur... Goupilles! Goupilles! Toi, tu ramasses-tu les goupilles de tes canettes? T'appelles ça une goupille de canette? Ouais, quand t'appelles ça une Gidwin de bout? Ben, je sais pas, moi j'appelle ça la pétouche. Je sais pas, la gadille, c'est la canette. Mais, non, mais j'ouvre pas beaucoup de canettes, je vais t'avouer. La pétouche ou la gadille? Ben, ouais. Ok, ben, c'était pas. Non, je les ramasse pas. Non, c'est pas ça? Ben, je pense, j'imagine que c'est, ça sonne, c'est là, ça se... Pinouche, mais, j'ai... ok, ben, Pinouche, chacun de ça t'inspire rien, je te non. demande... Non, toi, parler de... ben, gardes-tu? Je les garde pas, mais il y a... Y a... Je pense que mon neveu, il est ramassé à un moment donné pour l'école, quand il était au primaire, mm-hmm. pour je sais pas quoi. Okay. Mais je me souviens que chez mes parents, ils ramassaient des coupés d'un petit plat. Nice. Puis je pense qu'ils le font encore. Pour rien, là. On s'entend que mon neveu, il est rendu à genre 19 ans. Il n'a plus besoin de ça pour l'école. Oh, ben oui, tu fais des belles côtes de maille avec des ça. Des côtes de maille en goupille. Ouais. Ma goupille de maille. Ben, c'est ça. Ma ouais, c'est cote, ça. Cote de goupille. Ben, on ramène cote en plus, comme un callback en plus. Fait que. Ben, Jésus. Ben, Jésus. Jésus qui. C'était une goupille. Paraît-il, ça, selon là, les on écrits. On n'en parle pas assez souvent. Non, Jésus, c'est une goupille. Ben, c'est ça. Vous l'avez apprécié. Jésus, c'est une goupille. Puis en fait, il y a quelques indices dans la Bible. Dans la Bible. Dans la Bible. Dans la Bible. La bilbe, selon Jean. Il y a un moment où ils cultivent les bubles. Non, ouais. Mais il y a un moment dans la bilbe. Dans la bilbe, dans l'évangile selon Plot. Puis là, je me dis, j'ai essayé de le dire comme faut, puis ça a sorti plus lentement, la mauvaise façon. Ah, c'est pas vrai! Ah, nice. Avec un Plot, effectivement. Mais Plot. T'as écrit dans la bilbe, je pense, hein? Moi? Ben ouais. Oui. Ouais. Le corps, à peu près, là. Muta. Mieux t'as. Et toi, c'est ton bout préféré de la Bible. C'est-tu le bout avec Zaché? Zaché? Non, j'ai toujours eu la misère à le dire. Surtout que tu viens de le dire. Ah, Zaché, j'ai Zaché. Non. Ah, moi, Zaché, j'ai de la misère à moi, dire ça. Moi, c'est qu'il Zaché. Marche sur l'eau. Chaque fois, j'essaie de dire Zaché. Enfin. Ah, il me dit, hey, man. Check ça. Là, il est parti, il a marché sur l'eau. J'étais comme, what? C'est ça. Puis, mettons... J'ai le rad, man. Je l'ai écrit. Pas game. Ben, check, on en parle encore. Puis l'arche de Noé, mettons. Noé, c'est pas une goupille, ça. C'est pas une goupille. L'arche, c'est une goupille. Y a-tu... Ok, fait que Jésus puis l'arche. Ok. Mais c'est genre 20 000 layers, un par-dessus l'autre, pour pas qu'il y ait de trous. Mais c'est des goupilles de quoi? Y avait-tu du coke dans ce temps-là? De bière. Oh! Qu'est-ce qu'il buvait de la... De la bière. Laquelle? Si tu... Je pense que c'est de la bod. c'est de la bonne ou de la course. La bonne ou de la course. Jésus, lui, je pense qu'il aimait la course à cause de la montagne bleue ouais, quand elle est froide. Pas le temps de niaiser. En vrai, il fait le bateau. Ben, c'est ça. Il y avait un peu de phare des fois. Genre il faisait ça comme le. Je sais pas, moi, avec la viande de. Je sais pas quel je m'en allais avec ça. Il y avait pas de phare. Je sais pas où je m'en allais. Mais moi. Contrairement à nous, à soir, on est très fort. Fait que, ouais, l'arche de Noé, c'est dégoupé. Et Jésus, pis y'a-tu d'autres... Y'a-tu, c'est-tu juste dans la Bible que du monde qui sont... Christ, j'arrête pas d'accrocher ta table, je vais arrêter de me croiser les jambes. Parce qu'à un moment donné, je vais renverser de la bière, là. Mais y'a-tu d'autres choses dans la Bible qui sont des goupilles et où ailleurs dans le monde? Y'a-tu des acteurs connus, des célébrités qui sont des goupilles pis c'est reconnu? C'est comme un genre de... C'est ça, les goupilles, c'est un peu comme... Tu sais, il y a des reptiliens, il y a des greys, mais il y a les goupilles. C'est-tu des extraterrestres, c'est quoi? On le dit pas assez souvent, mais Bruce Willis, c'est des goupilles. Mais en fait, c'est une goupille. Je trouvais que ça paraissait comment il réagissait en marchant sur le verre, d'ailleurs. Ouais, puis en plus, même dans le sixième sens, c'est comme ça qu'il a réussi à jouer la personne qui est pas vraiment là. Parce que c'est une goupille. C'était ça son secret, tout ça. Oui, non, exact, c'est ça. C'est genre, sinon, les effets spéciaux étaient pas assez avancés dans ce temps-là. Il fallait ouais, que ça soit une goupille. Là, c'est pas. J'avoue, hein. Calice. Dans le recap, genre, il était pas vraiment là. Hey, Chris, hein. Comment il aurait fait ça sans goupille? Hey, on a un appel. Oh, oui, allô? Hey! Hey, I'm Bruce Willis. Oh, bonjour, Bruce Willis. I'm not a goupille. I heard what you're saying. It's not true. It's rumors. They're not true. They're not true about me, I'm Bruce Willis. Goupil, it's not true. You know what's true? Jesus was a goupil. Je sais pas quoi vous dire, Monsieur Bruce Willis, je suis... I see all your inspiration seems to have gone away far from your head. I'm gonna leave now. I'm sorry, I'm Mr. Bruce. Die Hard 6 right now. It's gonna be pretty bad as the last two. Nobody cares about the old Die Hard movie. Y a-tu du monde qui vous a déjà pensé que vous étiez genre dead? De l'herbe, genre Bruce, non Bruce. There was a joke about Bruce Willis in Les Boy Scouts. It was a bad joke, and it was a bad movie, and I think it was Réal Bella who said it. It was lame. He's because the guy in the helicopter was called Willy and was a pilot of the Bruce. Oh, good. And Réal Bella's character said Bruce Willy. And then there was a scene where it's like 20 minutes of fucking helicopter flights. And it's long. And it's supposed to be funny because it alternates between the group that likes it and it's like calm, and the other group where it's the chaos and they're afraid, and it's very long. Also, nice. In the same movie, they use Joe Louis as Pox to train. It's nice. A bad movie. It's worse than Die Hard 6, which I'm shooting right now. Follow me on Twitter at Bruce Willis. And I merci, Bruce. No problem, man. I'm not a goupil. C'était Bruce Willis, quand même. Ben, quand tu dis... on est big. On, à 120 likes, ça fait, on dit que c'est là que ça brise. 100 000 likes? 120. 100, on est-tu 120 likes? Non, ah, c'est là que ça brise, c'est ça. OK, ben Bruce Willis. Non, mais dans le sens, c'est là que tu fais comme... C'est pas que ça brise, en fait, c'est que ça shoot à partir de 120. C'est là que ça commence. Okay. On est sur le bord, puis là, lui, il va liker, puis c'est... On est big. Ouais, mais tu sais ce que ça fait, 120 à l'envers? 21. Ça fait Vincent. Ah. Mm-hmm. Il n'y a pas de Vincent dans l'équipe. On est fait. Il y a déjà eu un Justin. J'ai d'autres notes. Malgré l'appel de Bruce Willis qui m'a un peu déconcentré. C'est quoi le minimum de tantôt? Genre, OK, je vais y aller tantôt. Tantôt, c'est quand le minimum qui peut être tantôt, c'est une demi-heure. Tantôt, 15 minutes, c'est beaucoup, là. C'est pas assez, je veux dire. Une heure, je vais y aller tantôt. Ouais. On dirait que c'est dans la journée. Ouais. Genre, il y a une limite à... Ça peut pas être le jour d'après. Non, OK, c'est ça. Mais c'est n'importe quand après que tu l'aies dit. Je vais y aller tantôt. Ouais. Jusqu'en entre le temps que tu le dis, puis tu vas te coucher. Fait que tu peux dire que je vais y aller tantôt, puis tu y vas là, puis c'est valide. Parce qu'il y a un de suite, tu sais. Ah ouais, non, il y a un temps minimal. Un temps minimal, mais ce serait quoi, mettons? Je sais pas, mais... Ça dépend de ce que tu fais, je pense. Dans le sens, si tu dis que je vais y aller tantôt, tu peux pas y aller tout de suite. OK. Mais c'est OK, mettons, ouais, mais mettons, t'es assis et tu fais rien. Tu vas y aller tantôt, mais ça ne te tente pas, mais tu peux y aller tout de suite pareil. C'est juste que tu y vas pas volontairement parce que t'as une crise de merde. Ben, ça reste finir ce que tu fais. T'es en train de rien faire, tu décides, OK, là, je suis tanné, je vais faire quelque chose. Ouais. Je pense que c'est déterminé par ce que t'es en train de faire. Mais qu'est-ce que... OK, quel exemple qui modifierait ça, mettons? Il y en a pas. C'est parfait. Non, mais c'est parce que, mettons, t'es en train de faire peu importe quoi, tu dis, je vais y aller tantôt, c'est toujours après ce que tu fais. Ah, je sais pas, je m'en vais avec ça. Ben, c'est sûr que ça peut pas être avant. Je vais y aller tantôt, mais non, c'est déjà fait. Ouais, c'est ça. Je suis déjà allé. Ah! Ben... T'as rendu t'as l'envers, c'est dangereux. Ok, non, t'as juste gagné ta souris. Ben, ça enregistre encore. On n'a rien perdu encore de tout ça. C'est tout non. Du gold. Parce que, tu peux pas. Tantôt. Il est allé. Mais tu peux dire qu'il est allé tantôt. Non? Ah, je suis allé tantôt. Ouais, je suis allé tantôt. Ouais. Tu peux parler de tantôt au passé. Ouais. Je suis allé tantôt. C'est quoi la définition de tantôt? Est-ce que c'est pas beau comme mot tantôt? Dis-tu tout à l'heure aussi? Tout à l'heure. Je vais aller tout à l'heure. Tantôt cet après-midi, peu de temps avant, après. Fait que, OK, tantôt, c'est... Fait que ça peut être avant aussi. Ouais. Mais c'est quoi le minimum avant? C'est peu de temps. Genre, tu peux pas... Regarde, mettons, je bois une gorgée, là. Je vais en boire une autre tantôt. Ouais, je vais en boire une autre tantôt, mais je peux pas dire que je n'ai bu... Ben oui, je n'ai bu une tantôt, mais celle-là, c'est pas celle de tantôt. Hein. Ouais, mais là, tantôt, tu vas dire que je n'ai bu une tantôt. Mais en fait, on dirait que c'est genre le... Faut qu'il y ait un... Faut pas que les deux aient suivi le temps. Ça fait-tu longtemps que t'en as bu? Ah, j'ai bu une gorgée tantôt. Mais tantôt, me semble. Ça, ça de mal pour le passé. Moi, je suis allé tantôt. Ah non, ça marche. Ouais, je suis allé tantôt. Je suis allé tantôt. C'est tellement pas beau, ouais, non? Tantôt. Tantôt. On va y aller tout à l'heure. Tantôt. Tout à l'heure, c'est facile, c'est tout à l'heure, là. Je suis allé, v'là pas long. Plus que. Ben, je suis allé, ça fait pas longtemps. Je pense que je dirais plus ça que tantôt. Moi, je vais y aller tantôt. Ça, ça va. Ouais, mais... dans le futur proche. Ouais. Ouais. Moi, y aller dans pas long. Tantôt. Tantôt. Moi, y aller après. Parle pas de l'Indien dans Ville de Rien. Tentot. Tentot. Tencot. Cot. Ken Scott, le réalisateur de Starbuck. J'ai d'autres notes. Ah! Hey, Chris, quoi? Hey, tu prends-tu des bains? Oui. Ici? Ouais. Ok, comment t'aimes ça? Sur, c'est quoi ta fréquence de bain, mettons? Quand il fait froid, une fois par mois, mettons. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans le bain? T'écoutes de la musique? Tu fais-tu quelque chose? T'as-tu des chandelles? T'as-tu un rituel? Ça dépend des jours. T'as l'air d'avoir une collection de bains moussants. Des fois, j'écoute un bain. Il y a toujours du bain moussant. Okay. Tout le temps. As-tu des bad bombs? Non. Non, mais c'est toujours du... ouais, des fois, j'écoute la musique. Des fois, non. Des fois, je vais lire. Des fois, c'est juste du... Ça sonne triste. Des fois, c'est juste du... Je veux juste comme... Fixer des points, puis genre... Relaxer ou bien... Pas méditer, mais genre juste penser à autre chose, puis être concentré. C'est dur, faire ça. C'est le fun. C'est dur encore, lisse, faire ça. C'est tellement le fun. Je fais jamais ça. C'est vraiment cool. Être concentré puis rien faire, là. Ouais. Puis... Ou ça, ou j'aime vraiment le feeling d'être sous l'eau. Fait que des fois, c'est juste de... Genre, je rentre tout au complet sauf mon nez. Je suis comme... Je vais juste respirer du nez puis je suis en tour de l'eau au complet. Ah ouais. Ah ouais, tu rentres? Moi, ça... Je pense pas. Moi, j'aime ça. La tête sous l'eau, j'aime vraiment ça. J'avoue que c'est le fun. Comme dans la douche aussi, des fois, de juste mettre de la... Tu sais, tes mains pleines d'eau dans ta face... Je sais pas comment l'expliquer. Tu mets des mains dans la face avec le jet qui rentre l'eau entre tes mains et ta face. Tu fais comme un gobelet, là. Ouais. Tu bouches en bas puis tu te fais. Genre, puis ça te mouille toute la face comme si t'étais un peu sous l'eau. J'ai jamais essayé ça. Mais là, tu m'intrigues en crisse, là. Ouais, c'est le fun. Du genre d'affaire, tu fais comme 3 secondes, t'es comme. Ok, bon, je suis correct. Non, parce qu'à un moment donné, je me dis de te rentrer dans la narine. Ouais. La narine. La narine. J'ai une narine. Un gros trou. C'est comme un cyclope, mais le nez. Ouais, c'est ça, c'est un éclope. Ouais, c'est pas là. Mais moi, ouais, j'ai découvert ça, les bains, récemment. Parce que quand j'étais jeune, je prenais le temps des bains parce que... je sais pas, hein, mes parents... C'est pas un bain tourbillon. Mais ouais. Là? Ouais. Non, c'est un bain normal, mais un bain très propre et récent. Ouais. Un petit beau bain versus ce qu'on avait avant, le bain classique, bain douche, mais un peu vieillot, j'allais dire grugeux, mais tu sais, comme... il y a du vécu. Tu fais comme Chris qu'il y a plus que des pieds qui ont joué à ça. Puis j'ai pas envie de me mettre le cul beige là-dedans, tu sais. Mais ça fait que là, on a un beau bain, que je découvre ça. Mais tu sais, quand j'étais jeune, on dirait que mes parents avaient la culture du bain au bout. Mes parents prennent pas de douche, c'est que des bains. Tu te laves en bain. Ah ouais? C'est sûr. Ah ouais, quand tu prends un bain, c'est quoi? Est-ce que tu prends un bain, puis tu sors du bain, puis t'es correct, ou faut que tu prennes une douche après? Je sors du bain, puis je suis correct. Oh, pas moi, mais on dirait que je suis genre dans ma salle. Moi, faut que je me lave après. Ouais, avec la douche. Ouais? Ouais. Fait que tu sais, c'est pas. T'sais, le bain égale pas se laver. Non. Parce que moi, tu sais. Fait que dans le bain, tu prends pas le savon, tu fais rien de ça. Ben, je peux prendre le savon, mais après ça, je me rince ou je me lave les cheveux. Ou... Ok. Ben, ça dépend. Je pense que si je me lave les cheveux. Ben, c'est parce que j'ai les cheveux plus longs. Fait que des fois, je me lave pas les cheveux. Bon. Ce bain, ben oui, je sais, je suis de même. Calisse. Je sais. Mais ouais, non, j'aime mieux. Je me lave après un. Moi, les cheveux, en fait, dans la douche. OK. Après. Ben, OK, je peux comprendre. Ouais. T'as des cheveux longs à entretenir, pis tout. En même temps, je sais pas. C'est peut-être niaiseux. Là. Genre, je serais pas si sale. C'est pas comme si je vais puer après. Non, je pense que le bain est pas fait pour laver les cheveux tant que ça. Là. Ouais. C'est pas adéquat, mettons. Non. Pour mettre ton j'imagine, ou sinon, c'est faut que ça soit la première affaire que tu fais. Dans le bain, genre le savon. Ah, là. Peut-être. Ouais, mais tu voudrais, ça veut dire qu'il faudrait que tu sois dans le bain et t'en remettes tes cheveux dedans, genre. Ouais, c'est ça. Tout le plaisir du bain. Ouais. Moi, je m'en calisse un peu, là. Mes cheveux, c'est tout le temps. C'est tellement le fun. Mes cheveux, c'est fuck off. Un truc que j'aime vraiment faire, c'est genre mettre mon sel sur le bord du bain. Okay. Genre la tête, dans les oreilles dans l'eau, puis t'entends super bien le téléphone. Ah ouais? Ouais. T'as essayé. Ouais. T'as essayé ça. C'est vraiment le fun, puis là, t'es dans l'eau, puis t'entends juste ça. Genre, c'est vraiment le fun. Moi, ce que j'écoute à date, là, j'ai pris deux bains à date, hein, à mon appartement. C'est pas... De ta vie. Dans toute ma vie. Deux fois, je me lave. Je suis lavé, c'était cœur, hein. Ça, je pleure. J'aurais dû découvrir mais ça avant. À date, J'écoute toujours l'émission de radio ou le podcast en fait de Marc Labrèche et Anne Dorval. Okay. Je pense que c'est La plus belle journée. Ouais. Ou quelque chose de même qui s'écoute très bien dans un bain. c'est fait pour ça, on dirait. Mm. Mais c'est drôle comme show parce que c'est comme à la fois vraiment bon parce que Marc Labrèche et Anne Dorval, ils ont un sens de la répartie assez incroyable. Puis les deux, ils ont tellement de complicité. Comme tu vois qu'ils parlent, ça fait juste couler. Là, c'est juste comme. Puis tout ce qu'ils disent. Comme nous, en fait. Non, c'est ça, c'est identique. Là, c'est pareil, en fait. On est pareil. Que Anne Dorval puis Marc Labrèche, on a le même talent, puis tout. Puis la richesse. Oui, voilà. Tu sais, les petites voix de ça sais, me fait mourir de fast rire. Forward. Ah, j'adore moi ça. Moi aussi, j'aime ça. J'adore ça. Comme okay, Blanche-Neige aussi, oui, elle faisait comme des petites voix comme ça. Puis oui. C'est des petits écureuils là, ben qui chiaient partout. Ah, ça, je les haïs dessus. Oh, ah, c'est moi qui t'ai chauffé à cabine à plomb. Moi, je t'ai curé, je peux pas te dire comment se trouve ma cour en ce moment. Ils sortent de leur terrier, puis ça chie. Ah. Je peux te le dire, ça chie chez nous. Mais c'est ça, sauf que... Il y a comme une... Le gars qui monte le show, il rajoute une narration. OK. C'est correct, ça fit. C'est comme, OK, ça passe à Radio-Canada, c'est correct. Mais c'est comme, pourquoi que... Tu sais, tu commences l'épisode, ça commence un petit beat de guitare. Ce samedi, Marc et Anne se retrouvent devant un bocal de thé. Anne sert le thé dans une tasse rose à Marc qui regarde les décorations de Noël par un temps d'hiver enneigé. La température de la pièce est d'environ 10 degrés. Marc regarde passivement le tapis chez Anne. Là, la conversation commence. OK. Puis à chaque... C'est comme... Tu sais, imagine... C'est n'importe quoi un peu. Imagine un sorbet. Ben, c'est ça. Mais tu sais, imagine un sorbet qui serait plus monté, mais pas au timing de la voix, mais au timing de segment. Genre. Ouais, ouais. Fait que t'enlèves tout le fluff, puis t'as juste comme la conversation. Ouais. Puis t'as une narration entre. Ouais. Mais c'est intéressant. Mais le podcast, je le conseille pour eux. Les conversations sont le fun. Puis à chaque podcast, ils reçoivent. C'est pas un podcast, c'est une émission de radio, peu importe. Là, mais à chaque émission, ils reçoivent un professionnel d'un domaine quelconque. Genre, mettons un pilote qui vient parler ou un gars qui est croque-mort, genre, ou des trucs okay. De même. Puis c'est comme. Puis sont drôles parce qu'ils réagissent. C'est purement eux autres. Là. Si vous aimez moins vraiment Marc Labrèche et Anne Dorval, ils sont assez incroyables. Là. Mm. Puis ils chantent des chansons aussi. Il y a ça. C'est bizarre, là. C'est comme... Ils chantent, puis c'est correct, parce qu'ils ont... C'est comme bizarre, cucu, mais en même temps, tu sais qu'ils ont du plaisir en le faisant, puis qu'ils déconnent un peu, okay. Puis ils rient. Puis ça te tente quand même pas d'écouter des vieilles chansons chantées parfaites. Tu sais, c'est... En tout cas, c'est, ouais, c'est la plus belle journée de quelque chose, là. Je sais pas quoi, là. Okay. Je sais ça, là. Mais c'est ça que j'écoute dans le bain. On dirait que ça fit. Fait que nice. Des bains d'une heure, là, le temps du podcast. Là. Ouais, c'est j'aime pas le feeling d'avoir les mains ou les pieds ratatinés. C'est pas agréable. C'est rendu que je sors mes pieds, je les accote sur le mur, genre. À ce point-là. Mes mains, je les sèche. Tabarnak. Okay, ça. Ouais, c'est pas... Ouais, que tu peux pas te baigner longtemps, mettons. Ben, s'ils sont sortis, oui. Ben là, ouais. Tu baignes les... Ok, mettons une piscine. C'est pas pareil. Tu vas pas ouais, manger. Mais piscine, ben oui, ça ratatine aussi, là. Oui, non, mais je parle, tu restes pas si longtemps dans la piscine. Là. Non! Bah, je sais pas. Mais moi, j'ai jamais de piscine chez nous, chez mes parents, oui. Rien. Puis quand j'allais chez du monde, j'étais là des heures. Là. Ouais, mais. Je suis le premier qui rentre, je suis le dernier qui sort. Genre, c'est peut-être que j'en ai pas, tu sais. Puis ouais, pour moi, c'était ouais. Comme. Fallait que je sois longtemps avait. Dans l'eau parce que j'étais bien, là. Genre. Ouais, non, nous autres, on en avait, mais je restais quand même longtemps. C'était moins. Je trouve pas. C'est pas le même feeling, là. On dirait l'eau froide puis l'eau chaude, là. C'est vrai que l'eau chaude, tu sens plus parce que je suis incapable. Mettons les mains mouillées, je suis pas capable de toucher mes doigts ensemble. Ça me fait gricher des dents, que le tabarnak, là, ça n'a oui? Pas de bon sens. Ah oh, oui! Genre, je fais la vaisselle. Tu peux-tu te mouiller les doigts là, non, là qu'on essaye, non? La vaisselle, genre, genre, le micro après dents. 10 minutes, si je les touche ensemble, là, je suis pas capable de mettre ça. Ah! Oh, ouais. Ouais! Ça chatouille. Ah! C'est juste les bouts de doigts ou? Ouais. C'est donc bien précis. Ben ouais, c'est ce qui est sensible. Toi, te faire toucher le nombril, ça te fait-tu mal? Un peu. C'est comme déplaisant? Ouais. C'est okay. Comme, non, arrête. Ouais, c'est ça. Okay. Moi, ça me fait rien. Sarah, ça y fait ça. Ouais, j'aime pas ça. Ouais, ça fait un peu mal. C'est parce que... Puis là, je demande ça parce que je pense que... On parlait de Réal Bellin tantôt, mais... Je pense qu'il a dit dans un commentaire ou quelque chose, lui, il peut pas se faire toucher le nombril. Ouais. Je pense que c'est dans quoi. C'est bizarre. Touche pas mon nombril, qu'est-ce que tu fais? C'est un genre de trou par rapport qui pue un peu. Ouais, mais qu'il fasse mal, moi, c'est ça qui me fascine. Moi, ça me fait pas mal rire. Mais ça fait pour pas, moi, c'est, comme, juste, c'est pas comme un couteau ou quoi que ce soit. Non, c'est pour juste... moi, c'est pareil comme le reste de la peau autour. Là. C'est, tout est pareil. Ah, non, là, non, non. Il y a comme des petits. Mais c'est pas tout le nombril. C'est genre, tu touches. C'est un peu comme le squeezer, puis ça fait pas mal. Mais moi, mettons, mais il y a une... des parties, des fois, on dirait qu'il fait... qui peuvent être plus fragiles. Car le nombril. Et si fragile. Et si voir. Tu sais pas quel mot t'as dit, là. Non, il y a un t'es tout Gilles. Il était tout Gilles. Les tétons Gilles. Les tétons Gilles. T'as-tu dit toutes tes notes déjà? Pas toutes, mais je m'en garde pour le prochain. Ben, là, tu gardes pas pour le prochain. Tu déclenches pas tout ça là? Non. Ok. Tu penses c'est qui gagne une chenille contre un escargot d'une course? D'une course? Ouais. Ça dépend du timing du cocon de la chenille. Non, non, mais t'as une chenille qui bouge. Genre ouais, les je pense que la chenille va plus vite qu'un escargot. Là. Ça a des pattes, une chenille. Ouais, une chenille, dans ma tête, ça va plus vite aussi. Un slug, là. Je pense aussi. Team chenille. Team chenille. Ouais, team chenille, certain. Toi, chenille. Chenille. Chenille. Chenille. T'as-tu déjà manqué de battre? Genre, qu'est-ce que ben, j'ai toujours eu un, je sais pas, là. Manquer te battre. On jouait au baseball. Puis t'es comme, il n'y a pas de batte. Attendez. T'as manqué de batte. Non. Même au primaire. Non. Je me suis déjà assis sur quelqu'un. Ah ouais. Mais ça compte pas comme se battre. Là. Non. Il m'avait volé ma casquette. Moi, je pense que j'ai déjà poussé une personne qui s'amusait à m'énerver vraiment fort. Puis quand je l'ai poussé, il a fait comme, oh, excuse, puis arrêté. Bon, c'est donc bien poussé fort. Oh, je suis en crise. Ben, ouais. Je l'ai pas poussé si fort, c'était juste ouais. Un... C'est juste, je suis pas quelqu'un qui se forge facilement ou quoi que ce soit. Fait que j'imagine, c'est comme, ah, est-ce que je voulais pas te pousser autant que ça? Ouais, ouais, ouais. Sinon, dans ma vie d'adulte, je me mets pas en général dans des situations où je pourrais me faire battre non, et où battre. J'ai jamais été mugged. Ouais, jamais non. Quelqu'un qui m'a pris pour un Denis. Ça me stresse tellement parce que je vais bientôt en Nouvelle-Orléans puis je sais je vais me faire mugged. J'ai tellement peur. Ouais, t'es juste... Mais j'ai hâte. Fais-toi un blackface, tu vas être correct. Ouais, c'est sûr. Oh ouais! Bah. Comprenez pas mes intentions aussi. Bah, je vous aime. c'est de l'admiration. T'as-tu déjà acheté au dépanneur quand t'étais petit de la gomme bazooka? Genre aux fraises ou peu importe. Quand j'étais jeune, je suis allé rarement d'un dépanneur tout seul, genre sans mes parents. Ouais, moi aussi. Puis j'avais pas. Même avec un petit peu d'argent de poche, j'y allais pas. Ouais. Mais je suis allé au Tim Hortons me demander des verres d'eau. Ah ouais. Puis à un moment donné, la fille a dit. Moi, c'est chez McDo. On n'en donne plus. Hein? C'est chez McDo, hein. T'as meilleur l'eau chez Tim Hortons. La honte, hein. Ouais. T'es comme. Puis ça, c'est tellement niaisé, ce genre d'affaire, tu te sens con. Genre de « on n'a plus, oh, est-ce que je l'ai pas en demandé? » Ben moi, c'est de même, je suis comme... Oh. Ouais, je pense que je me sentais poche aussi. T'es comme « Chris, comment tu pouvais pas le savoir? » C'est genre, là, tu le sais, OK? Mais genre, moi, c'est le coup, je suis comme « Hey, mais ça fait longtemps, Tim Hortons, c'était dans le temps qu'il y avait la petite, tu sais, la petite mascotte avec des gros yeux. C'est ça, un moustique? Je m'en rappelle ça pas. Ça dit-tu quelque chose? Non. Cherche donc mascotte Tim Hortons ou quelque chose. Tabarnak, ça, c'est son bruit qu'elle faisait, ça. Dans la pub, elle faisait « Salut, c'est moi, moustique! » Mascouche. Mascotte. Oui! Oh, c'est quoi ça? Shit. Le petit bonhomme avec des gros yeux? Ben oui, tu es. C'est littéralement un Timbit avec des gros yeux. C'est quoi? C'est donc bien weird. C'est rien, c'est genre. Rien. Dans ma tête, j'avais un moustique à cause de la chaîne. Oh, mais je pense que c'est un Timbit avec des gros yeux géants et un nez. Ah ouais. Mais ouais, je me souviens de ce bonhomme-là. Nice! Fait que monsieur Tim Horton. Hey, moi je dis ça de même, mais je pense qu'il faudrait que ça complète l'épisode. Ouais, ça ressemble à, ça ressemble à ça, mais c'est correct que j'avais d'autres trucs à dire, puis c'était des trucs de fin d'épisode. Fait que. Nice, go! Hey! On a eu 11$ sur Bandcamp. Ouais! Puis en fait, ça fait longtemps, ça doit être fait dans les premières semaines du Bandcamp. Sauf que le Bandcamp que j'ai pris pour faire excusez, Carlis. Hey, hein? Pour mettre la comédie musicale. On a une comédie musicale sur Bandcamp gratuitement, mais vous pouvez payer si vous voulez. Mais le email que j'ai pris, c'est un email que je ne vais pas checker. Okay. C'est mon email de porn. Ouais, non, c'est pas vrai. C'est un email d'une autre chaîne YouTube. Avant que je sache qu'on pouvait se faire des chaînes YouTube avec le même email. Mais. Fait que c'est ça. Mais là, je l'ai comme connecté sur mon téléphone quasiment par erreur l'autre jour. Puis j'ai plein de pop-up de Bandcamp à chaque mois qui faisait comme hey, by the way, vous avez tel montant dans votre compte que ben, il va disparaître si vous le redeemez pas. Oh là là! Puis, effectivement, il y a deux personnes qui ont acheté de la comédie musicale avec l'argent, dont une personne à 1$ et une personne à 10$. Puis là, j'espère que ça vestait quoi. Parce ben, que forcément. Il me semble que j'ai reconnu les noms, c'est du moins qu'ils nous écoutent. Okay. Puis là, je vous acknowledge là. Merci beaucoup. Ouais. Là, c'est rendu sur mon PayPal. Je t'en donne la moitié, quelque chose, on s'arrange. Wow! Ouais. Mais c'est ça, là. Ça va avec la prise de notes, c'est le montage. C'est ça, mais on n'a pas juste mis le. On n'a pas juste comme pris l'argent puis rien dit, là. C'est juste. On le savait pas. Vas-y. Les sujets de la semaine mais passée. Mais non, c'est. Fait que merci beaucoup en retard. J'espère que vous avez apprécié le 12 minutes que ça dure, la comédie musicale. C'est tout bon. Puis pour eux, merci. Des VHS. Ouais, cette tune-là qui dure 15 secondes. Je un homme oiseau. Coup. Ouais, puis Gaétan à Cancun. Ah! L'artiste du sandwich qui chante aussi. C'est plein de gold. Caractermou.bandcamp.com. Hey, puis peux-tu aller voir les reviews iTunes? Je sais pas comment. Je sais pas. Je cherche notre podcast sur iTunes. Oh, foutu iTunes pour ça. Ouais, je pense. Oh, tabarnak. Bon, dans le cul. Mais il y a peut-être. S'il y a des reviews iTunes que vous n'avez fait, si vous avez fait, quand ils ne lisent pas, c'est parce que je pense pas d'aller lire ça, vous avez besoin de pas. Fait qu'à la place d'aller voir ça, Mathieu cherche d'autres photos de gargouilles. Ah! C'est ça! Le four à gargouilles. Le four à gargouilles. Creepy Crawlers, Mini Flexim. Ouais. C'était ça qui était les. Qui veut se faire des crises de gargouilles en glu, man. Ben, nous autres, on voulait. C'était cool. C'est cave. Ça le dit dans le nom. Hey, ta gueule, toi, t'es. Ça le dit. T'es glu, t'es en 2D. Ça le dit dans le nom, gay-gouille. T'es qui pour dire qui je suis? T'es qui? Non, ça. Comment ça, gros, c'est une comédie musicale? Et je m'en vais lui présenter mes piments. Chris. Présenter mes piments. Je sais pas où j'allais avec. Ben, c'est ça. Ben, je pense que j'ai plus de notes de fin de bonus d'épisode. Ouais. Ben, merci de nous avoir écoutés. Et merci encore. Puis désolé pour ceux qui trippaient sur la formule montée en colon avant. Ouais. Là, ça va être tout ça. Là. Ouais. Nous autres, je suis rendu qu'on sonne les fesses. Puis que... ouais, c'est ça. On s'en calisse, là. On te rendu, hey, là, tu sais. On aime ça. En plus, jamais content, cette semaine, ils sortent rien. Fait que vous êtes pas mal pognés que nous autres, là. Fait que. Ouais. Là, eux autres, ils se permettent de prendre des semaines off, là. Hein, ils peuvent même s'appeler Steve Ressmenoff. Ben. Fait que à la semaine prochaine, ouais, likez notre page Facebook. Ouais, puis, Facebook, Twitter. Twitter, puis notre site web caractermou.com. N'oubliez pas patreon.caractermou.com. Ouais. Si vous voulez donner plein d'argent pour qu'on s'achète des Lamborghini. Des Lamborghini. Puis c'est ça. Qu'on se retrouve dans deux semaines. Sûrement. Dans deux semaines. On va probablement réessayer encore la formule en personne. Ouais, je pense. Je pense que ça fait du bien à la formule. Je pense aussi. C'est plus le fun. Personnellement, ça me fait du bien. Ouais, j'ai vraiment moins l'impression de patauger dans l'habituel. C'est plus le fun, c'est moins comme un. Faut juste le faire. Ouais. Ouais, puis ben, ok. Bon, t'es en fin de. C'est le temps. De, ouais. Mais je commence à prendre goût au fait que c'est aux deux semaines. Moi aussi. Pour vrai. Ouais. En tout cas, pas donner un petit coup, mais. Ouais. Ça risque de durer un petit peu, je pense. Ça va peut-être durer plus qu'un mois. Plutôt que. Ouais. C'est pas, tu sais, Chris, en bout de ligne, si c'est parce qu'on stand pas en le faisant de même, ouais. Vous êtes gagnant. Au pire, arrêtez d'écouter une couple de mois. Ben, on venait ça. Après, fait que Chris, il y a 3 épisodes. Waouh! C'est mieux d'être bon. Ah, oh. Oh là là! Ok. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Merci. Bref, merci, puis on se retrouve dans 2 semaines. Puis, peut-être des surprises cette semaine, vous savez pas. Peut-être que oui. Peut-être. Peut-être des surprises. Genre un vendredi, mettons. Ça demain. Fait que, bye! Un vendredi. Un vendredi. Moi, je t'en reparle. Ouais, j'ai... Il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. J'ai comme quoi? Ouais, ben, en tout cas, ça... potentiellement vendredi. Ça t'inquiète, là? T'es comme pas bien, là? T'es pas... Non, ça va. Ouais, c'est pas... Je voulais pas te mettre mal à l'aise. Il me regardait d'un regard transcendant. Il se tourna vers moi d'un mouvement assumé et me regarda dans les yeux. Il avait l'air déterminé. Excuse-moi, je viens déterminé. Excuse-moi. Je lui dis que ce n'était pas grave et que c'était seulement ça, d'être humain. Alors... L'humain! Il commença à chanter avec la larme à l'œil. L'humain, les boissons, les poissons, les buissons. Je lui dis que ce n'était pas grave de ne pas trouver l'inspiration à l'instant et que, à la force de travailler, l'effort dominerait. L'effort me domine. Je cherche toujours mon côté rock and roll. Ah, on chante du rock, monsieur? Et c'est là que je vis en lui tout le sens du terme à être rock. Rock. On chante-tu rock, monsieur, avant de quitter? On niaisait l'autre jour qu'on on pourrait écrire une tonne de rock. Ouais. On rock, a comme fait un refrain. Mais... Rock, moi. C'est quoi, c'est rock, rock, moi, rock, monsieur. Rock, moi, le monsieur. OK. Fait, y a-t-il un air, genre? Non. Rock! Rock, moi! Rock, moi, le monsieur! Attends, c'est rock, rock, moi, rock, monsieur, rock, moi, le monsieur. Ah oui! Rock! Rock, moi! Rock, monsieur! Rock, moi, le monsieur! God! Est-ce que c'est bon? Bon! Yes, ciao! Bye, merci, bye!